Et pour ceux qui sont loin de chez eux, c'était l'âme sur Radio Resto. Il est précisément 21h, les 3 minutes d'info, un sujet des étudiants d'Igensia. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. On n'est pas en se disant « je vais avoir besoin d'aide pour manger ». Ces mots résonnent particulièrement dans la bouche d'Arthur, 23 ans, étudiant en géographie à Toulouse, qui se retrouve aujourd'hui à devoir compter sur les Restos du Cœur pour subvenir à ses besoins alimentaires. Je m'appelle Sharon Rouanet, étudiante en journalisme à l'ISCP à Toulouse, et je vous amène à la rencontre de ceux qui, comme Arthur, vivent une précarité grandissante depuis la pandémie. Cette crise sanitaire a bouleversé bien des vies, et pour Arthur, elle a marqué le début d'une lutte quotidienne pour maintenir un semblant de normalité, tout en jonglant avec des ressources de plus en plus limitées. J'ai commencé à y aller à la fin de mes premières études à Nantes parce que c'était la période Covid et on ne pouvait pas travailler à côté des études. J'étais en grande difficulté financière, donc j'ai commencé à devoir y aller des choses de première nécessité. Malgré un emploi retrouvé à Toulouse, les difficultés financières persistent. J'ai pu reprendre un emploi à côté des études, mais l'inflation et tout ce qui se passe, je ne gagne toujours pas assez de sous pour pouvoir vivre tranquillement. Je dois aller au Resto du Cœur une fois par semaine à des collectes afin d'avoir de quoi manger. La bienveillance de cette association n'a pas échappé à ce Toulousain. Les bénévoles sont très agréables. On est reçus de manière très sympathique et aussi l'organisation que je trouve très, très bien faite avec un système efficace qui a l'air rodé. Donc pour le coup, je suis très satisfait. J'aimerais ne pas l'être parce que dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin d'associations comme ça, mais le service de cette association-là est d'utilité publique et franchement, le travail qui est fait à Toulouse est exceptionnel. Prendre la décision de se rendre au Resto du Cœur n'est pas tâche facile. L'étudiant ne réalise pas de suite que sa situation est critique. Un réflexe qui n'est plus une exception, mais bien une réalité de plus en plus courante pour les jeunes. Honte, gêne, je sais pas. J'ai peut-être mis plus de temps à me dire « il fallait que j'y aille ». C'est sûr, parce que on entend depuis petit avec les enfoirés, etc., que c'est pour les familles dans le besoin. Maintenant, c'est devenu banal. Oui, en effet, il est essentiel d'aller au-delà des apparences pour comprendre la réalité complexe de ces interventions sur le terrain. Pour énormément d'étudiants, parce que je sais que j'ai des amis qui vont sur le campus de la fac également. Il y en a d'autres qui ont des aides de la part des CROUS, d'autres qui vont avec d'autres associations également. Deux cas isolés d'étudiants, qui je crois et que je pense étaient plus rares avant, devient une généralité. On voit aussi que les populations touchées sont aujourd'hui une grande diversité, que ça peut aller de l'étudiant au retraité et qu'il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de visage type de personne qui a besoin de l'aide alimentaire, de l'aide aussi sociale. Parce qu'il y a un contact social avec les Restos du Cœur. Des paroles qui reflètent une réalité grandissante. La précarité étudiante est un sujet préoccupant dans notre société. Les Restos du Cœur continuent de jouer un rôle majeur dans cette lutte contre la faim et la pauvreté en France. Et merci aux étudiants d'Igensia. Resto, saison 5. Les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. La preuve, les plus grands animateurs se mobilisent puisque à ma gauche, Manu Lévy qui est là depuis effectivement une heure et à notre droite, toi t'es allé en face de toi, t'as une meilleure... J'ai une vue incroyable. elle est plus petite qu'à la télé. C'est pas vrai en plus. Karine Lemarchand nous fait le plaisir de nous accompagner cette année pendant 3 heures. Oui, mesdames, messieurs, elle va se livrer à un exercice que nous aimons beaucoup, la libre antenne. Alors c'est quoi la libre antenne? C'est simple, c'est un numéro de téléphone, le 01 850 90 600. Vous nous appelez et vous nous parler de... Ce que vous voulez. Ouais, voilà. Mais pas de politique. Ah, jamais de politique. Ah non, on n'en peut plus. Non, on n'en peut plus. Qui nous fout la paix. Voilà, monsieur. Alors, de guerre. Non, peut-être on peut tout simplement vous demander qu'est-ce que vous attendez de ces 48 heures d'émission et qu'est-ce que vous attendez de ce 21h minuit là qui commence en ce moment. Alors, 01 850 90 600. Réfléchissez, mais pas trop longtemps. Hein. On vous attend. Le Ils standard. Peuvent parler d'amour aussi, hein. J'ai envie qu'il parle d'amour, moi. Bah oui, ou de nous faire rire. Ouais, Karine, tu t'y connais pas en amour. Non, mais ils peuvent aussi nous faire rire. Ouais. Je suis sûre qu'il y a des gens drôles. On peut parler d'amour et faire rire. Oui, mais alors. On peut faire l'amour et faire rire. C'est vrai. C'est pas moi, c'est un cousin. Toujours. Et femme qui rit. À moitié dans son lit. Voilà. Mais il manque l'autre moitié. C'est ça. Bon, voilà, vous l'avez compris, ça va être très détendu, mais n'oublions pas qu'on est là aussi pour regarder ce compteur qui augmente sur le site radio.restoducœur.org. On est à 28 599 euros. Je ne sais pas, on pourrait se fixer un but avant minuit, 50 000 euros. Alors, vous verrez sur le site, il y a un biberon. Il y a marqué 50 000 euros. Là, il est rempli à 57%, tu vois. D'accord. Mais si on attend les 50 000 euros à minuit, on va augmenter la capacité de ce biberon. On va le changer, on va le faire grandir, et puis ça peut aller très très loin. Voilà, un petit don plus un petit don égale un petit don. Vous pouvez verser. Non, égale un gros don. Un gros don, pardon. Mmh. Mais on jouera à question pour un gros don tout à l'heure. Tu connais pas ce jeu? Mais non, c'est quoi? Alors on va jouer à question pour un gros don tout à l'heure. On va attendre un petit peu. Je te rappelle, le principe est très simple. On va poser trois questions. Ouais. Une question sur les Restos du Cœur, la radio, et une question de l'histoire culture générale. Des restos, tout ça. Voilà. On donnera trois propositions de réponse. Oui. Et si l'auditeur ou l'auditrice répond correctement, oui, eh bien, il permettra au Restos du Cœur, à Radio Resto, d'augmenter la cagnotte de 60 000 euros. Par qui? Qui va payer? Eh bien, ça, on te le l'auditeur, un donateur, mais je ne sais pas. Un donateur. Non, pas l'auditeur. Voilà. Anonyme. Exactement. Oh là là. Pas mal, hein. C'est génial. Hein. C'est génial. Donc, on compte sur vous. Il faut vraiment répondre aux trois questions, parce que sinon, on passera à quelqu'un d'autre. Allez, 01 850 90 600. On commence avec vous dans un instant, mais tout de suite, le temps qui court, les enfoirés sont sur Radio Resto. 01 850 90 600. À tout de suite. Et finalement, après quelques années, les hommes ont remplacé tes poupées. Et les glaïeuls posés dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui court, court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Parce que le temps qui court, court, change les plaisirs. Et que le manque d'amour nous fait vieillir. Le temps qui court, les enfoirés sur Radio Resto. Radio Resto, saison 5, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Et vous aussi, vous vous mobilisez, la preuve, 33 874 euros collectés, ça grimpe. C'est super. On est à 68% de remplissage de ce biberon que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le site radio.restoducœur.org. Vos dons, ils sont très faciles à faire, vous allez sur ce site ou sur l'application. Mais je crois que c'est le meilleur lancement depuis Radio Resto. C'est notre cinquième saison. Et... Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ça fait une heure qu'on a démarré, on est déjà à presque 40 000 euros. Alors Manu, pour tout te dire, depuis plusieurs jours déjà, il y avait ce petit biberon qui était là sur le site et qui commençait à se remplir depuis quelques jours. Mais je sais qu'en début d'émission, on était à 7000 euros. Et là, vous voyez, il est 21h10. On est là depuis 1h10, donc. Et déjà, 33 874 euros collectés. Eh bien, on continue. Parlez-en autour de vous, bien sûr. Et écoutez-nous. Tiens, il y a Gaspard qui veut faire un coucou. Ben, on va lui faire un coucou. Ah oui. Bonjour, Gaspard. Bonsoir. Bonsoir, Gaspard. Bonjour, Manu et petit Laurent. Et Karine Le Marchand quand même, c'est pas tous les jours que t'as Karine Le Marchand au téléphone. Bonsoir. T'as quel âge, Gaspard ? 16. Ah ouais ? Et tu habites ? Et j'ai même une web radio. Ah c'est vrai. Bah, c'est... Ah t'aimes ça aussi faire de la radio ? Oui. Mais c'est toi. Qui s'appelle Radio Gaspard. Ah ouais. Belle improvisation, Gaspard. Ouais, mais alors à part faire de la promo pour ta web radio, tu voulais nous dire quelque chose ? Je voulais juste savoir si vous pouvez, je vais le dire à l'antenne, si vous pouvez passer une musique. Bah, faut voir laquelle, dis voir laquelle. De Kinvey, Je sensuel. Bon, je suis pas sûr. Pas, moi. Bah, c'est Kinvey. Tu connais Kinvey? Ah, attends, on va la chercher. C'est quoi, on va faire venir Kinvey? Ouais. Et tu fais quoi après, à part la web radio à 16 ans? Tu fais des études? Je suis au lycée. Ah bah oui, à 16 ans. Bah oui, t'es en quelle classe? À 16 ans. Je suis dans un IME. C'est quoi un IME? Alors là. Institut médical. Oui. Médico-éducatif. Médico-éducatif. Ah, parce que t'as un petit handicap. Ouais. Je fais une dédicace à une web radio partenaire avec moi. Ouais. Qui s'appelle Vibe Radio. Mais alors, Gaspard, t'as créé ta web radio. C'est vrai qu'on peut se faire sa web radio à la maison maintenant. C'est complètement fou. Hein. Mais tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu fais sur cette web radio? Je fais un peu de tout, des musiques et un peu de tout. D'accord, tu passes de la musique, mais tu parles aussi devant le micro? Oui, ça m'arrive. Ben c'est bien. Tu aimerais faire ça peut-être plus tard comme métier? Oui, j'aimerais bien faire ça plus tard. Écoute, tout est possible dans la vie, tu sais, il suffit de commencer. Et en faisant de la web radio, il y a des gens qui sont devenus de vrais professionnels. Regarde Manu, par exemple. Si j'ai commencé la web radio, ami qui chantait qui s'appelle Johnny Hallyday. Et regardez ce qu'il est devenu. Donc la web radio peut mener à tout, clairement. Voilà, c'est quand même un bel espoir. C'est vrai, tu l'as connu très très jeune. Très très jeune. Bon, bah Gaspard, alors on a compris, Gaspard. T'as une web radio qui s'appelle Gaspard, hein, comme Gaspard. Oui. Je voulais vous dire que tous les matins j'écoute Manu sur NRJ. Ben c'est très gentil, Gaspard. Ah oui, il est top, Manu. Tous les matins. Et ben moi je t'écoute sur Radio Gaspard. Tu vois, c'est un échange de bons procédés, Gaspard. J'aimerais bien ça. Passer un jour dans ton émission, Manu, sur NRJ. Mais pourquoi pas, Gaspard. On sait où te joindre. Ouais. Tu prends des auditeurs le matin, il y a des jeux, c'est hyper sympa. Exactement. Voilà. Comme ici. À peu près comme ici. Tous les matins. Eh ben merci beaucoup, Gaspard. Il y a même une éducatrice à moi qui écoute votre émission, Manu. Bon. Ah bah, très bien. Eh ben, faites-le en famille. Bon, et le lundi soir, n'oublie pas de regarder La Mourée dans le Pré, la boucle sera bouclée. Et après, le tous les lundis, et mardis, et mercredi, et jeudi, et vendredi, ce soir, j'écoute Énergie Belgique avec... Rayon. Ah oui, ouais, t'es très radio, quoi. Mais pourquoi Énergie Belgique? T'habites Grenoble? Ben parce qu'il y a une émission qui s'appelle Mac qui n'est pas diffusée en France. Ah, mais il s'y connaît, Gaspard, quand même. Ah ouais. C'est dingue, c'est un passionné de radio, Gaspard. Ah là, oui, pour aller chercher la Belgique. Bon, bravo, bah Gaspard, merci. On t'embrasse, on te remercie. Attends, on va voir pour la chanson. D'accord, on va essayer de te trouver ton Kinvey. Et puis merci, et continue à faire de la radio, Gaspard. C'est un beau métier, tu verras. À bientôt, salut Gaspard. À bientôt. Au revoir, Gaspard. Ciao, Gaspard. Je crois qu'il y a Mathieu également qui est là. Bonjour, Mathieu. Ah, attendez. Il y a de l'accent. Attends, parce que Mathieu est en même temps sur Radio Mathieu. Non. Ce soir, vous ne passez à l'antenne que si vous avez une web radio qui a votre nom dans le nom de la web radio. Bonjour et bienvenue Mathieu, la parole est libre ici, vous pouvez dire ce que vous voulez. On vous entend, on vous écoute, vous êtes là? Ah bah oui, je suis là. Ah. Bonjour, il y a une belle voix. Moi, c'est mon Mathieu. Hein? Ah, c'est mon Mathieu. Ah, c'est cool. Ah non, mais je le reconnais, mais ben, c'est mon Mathieu. C'est qui ton Mathieu? C'est mon Mathieu, c'est mon Mathieu, c'est Mathieu de l'Amour et dans le Pré. C'est un agriculteur. Ah. Mais tu connais Mathieu? Ah bah oui, c'est Mathieu marrant. Mathieu Alexandre. Mais je sais. Mais tu nous appelles mon Mathieu, mais t'es trop drôle. Mais non, mais, en fait, c'est une blague de Laurent. Ben oui. Ah, tu voulais croire si j'étais... Non, mais comme si j'étais pas... comme si je le connaissais pas par cœur, mon Mathieu. Il t'a juste dit bonjour. Eh ben, j'ai reconnu sa voix direct. Ouais. Ah bah oui. Merde. J'aurais dû la camoufler. Eh oui. Comment ça va? Il faut dire que t'as un petit accent. Oui, c'est ça. Eh bien, ça va bien. Je suis avec mon fils. Je suis à Lille là pour faire des dédicaces demain. Ah ouais. Et pour ton livre. Ouais, pour mon livre. Ah, et ouais. On vient d'arriver. C'est Tati. Oui, c'est mon Ezio, mon amour. Bon, alors attendez, je vais expliquer parce qu'il y a. Moi, je regarde pas The Voice. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, je vais t'expliquer. Mathieu s'est présenté il y a quelques années. Il est agriculteur. À l'Amour est dans le Pré. Il est agriculteur du côté de la Camargue. Bon, exactement. Ça existe encore, l'Amour est dans le Pré? Ah oh, oui. Je savais pas. Mais comment tu crois que je vis? Et donc il s'est présenté, il a fait une recherche, il a trouvé l'amour. Il s'est marié. Il s'est même marié. Il a divorcé. Elle est allée au mariage. J'étais témoin. Ouais. D'accord. On est devenus amis. Ok. Il est gay, je précise qu'il est gay. D'accord. Il a divorcé. Ouais. C'est la vie. Ouais. Voilà. C'est le principe du mariage, je crois. Et il vient d'avoir un bébé tout seul. Ouais. Oui. D'accord. Voilà, enfin, tout seul avec une mère. Et toi, tu l'as suivi depuis. Ah ben, c'est mon ami. Bien sûr. Ah ben, c'est beau. Et c'est pas elle qui a porté le bébé, hein. Ah non. Non, mais. Ah bah, à mon âge, non. C'était trop lourd pour elle. Et il a un petit Ezio qui est beau, mais sublime, qui change de jour en jour, et voilà. Ah, et qui est venu à la maison cet été. Ok. Et toujours agriculteur? Non. Ah non. D'accord. Non, il a arrêté. Bah oui, mais tu fais la tournée quand même. Ah oui, mais moi je suis toujours avec mes amis. Il est quand même agriculteur dans l'âme, mais il organise justement des rencontres de gays. Comment ça s'appelle le festival là? Ah oui, les fiertés rurales. Les fiertés rurales où les agriculteurs gays peuvent se rencontrer. D'accord. Il est très militant aussi pour que tout le monde puisse avoir un enfant. Et notamment par mère porteuse, etc. Il vient de sortir un livre. Mmh. Et puis aussi, il défend la cause animale énormément, le bien-être animal, et puis plein de choses. Il est très, très engagé. Et très sur Instagram. Très sur Instagram. Il faut aller le suivre. C'est Mathieu et Ezio, non? Ouais, Mathieu et Ezio. Voilà. Exactement. Et j'ai dû envoyer un message l'autre jour. J'ai dit, tu vas galérer pour lui interdire les écrans, parce que toute la journée, il est en train de filmer. Ouais. Non, mais il est très mignon. Macarine, on a dit qu'on allait faire un repas là, parce que je monte deuxième semaine d'octobre avec Laurent. Eh ben d'accord, avec grand plaisir. Avec plaisir. On va s'appeler, on va caler ça. Ouais, voilà. Ouais. Allez, je vous laisse. Gros bisous. Tu vois, votre piège n'a pas du tout fonctionné, bande de nazes. Non, du tout. On s'est fait avoir. Gros bisous. Merci Mathieu. Bisous, au revoir ce petit. Bon, allez, dans un instant, on va jouer à question pour un gros don. Donc, on a vraiment besoin d'un auditeur ou d'une auditrice. Si vous voulez soutenir notre cause et augmenter ce compteur qui est déjà à 34 154 euros, il peut augmenter... peut passer le cap des 35 000 euros, puisque on va offrir même beaucoup plus, 60 000 euros grâce à vous. C'est-à-dire qu'il vaut tout simplement, vous nous appelez au 01 850 90 600. Karine vous posera des questions et si vous répondez correctement, vous permettrez au Resto du Cœur d'augmenter cette somme de 60 000 euros. Allez, faites-le. 01 850 90 600. On compte sur vous, comme on va dire pendant tous ces 48 heures. Pourrais-je dire encore je t'aime? Ah bah tu le dis déjà. Ouais, c'est vrai, je t'aime. Bah, c'est vrai, tu t'es déjà posé la question, toi. Si je peux dire encore je t'aime? Ouais. Ah ouais, moi je crois que je peux. Donc j'arrive encore à le dire, oui. Bah, en tout cas, c'est une très belle chanson de Marc Lavoine qu'on écoute tout de suite. C'est un premier extrait de son nouvel album qui est une pure merveille. Oui, cela dit en passant, elle est très belle cette chanson. Et c'est sur Radio Resto. On vous attend pour jouer à Question pour un gros don juste après. Déjà brisé lorsque tu l'as pris dans ta main. J'ignore ce qui m'est arrivé et de quoi sera fait demain. Je n'ai rien demandé pourtant. J'essayais de me reconstruire. Je me sens si vide à présent. Vais-je savoir encore écrire? Pourrais-je dire encore je t'aime? Je dire encore je t'aime. Marc Lavoine sur Radio Resto. Pendant 48 heures, c'est Radio Resto, saison 5. Et c'est de la libre antenne, oui, jusqu'à minuit avec Karine Lemarchand, Manu oui. Lévy. Oui, je suis là. Et oui, vous pouvez nous appeler pour nous parler par exemple des Restos du Cœur. Je ne sais pas si par exemple vous avez été accueilli un jour dans un centre des Restos du Cœur. Bah vous venez en parler parce que c'est important les témoignages également. Il y a des périodes dans la vie où on a besoin du monde associatif. Il faut en parler parce que bah, peut-être que certains hésitent. Et puis si vous êtes bénévole, bien sûr, au Resto du Cœur, on a envie de vos témoignages, on a envie de savoir ce qui se passe au quotidien. Voilà, si vous avez vraiment des moments vécus extraordinaires, faites-nous les partager. C'est bien d'être bénévole. Il faut expliquer que ça peut apporter des choses dans la vie de tous les jours vraiment très positives. 01 850 90 600. Alors on va jouer. On va jouer à ce fameux grand jeu initié l'année dernière, le question pour un gros don. Et c'est Sophie qui s'y prête. Alors c'est toi Karine qui va animer ce jeu parce que je sais que tu es une grande animatrice de jeu. Alors jingle tout d'abord, attention jingle. Radio Resto, question pour un gros don. Alors bonjour Sophie. Allô Sophie. Elle est là. Sophie qui est bretonne. Ça commence bien. Sophie qui est bretonne. Sophie. On l'entend Sophie? Oui, normalement elle est à l'antenne là, je vois elle est en rouge. Bonjour Sophie. On t'entend pas très bien. Alors, c'est pour ça on n'entendait pas. On va faire connaissance Sophie, tu habites où? J'habite en Bretagne, je partage mon temps entre la Bretagne et Paris. D'accord. Très bien. Ah, très bien. Tu fais quoi? Ah ouais, tiens. Allô? Oui. Tu fais quoi comme travail? Oula. Ah. Ben, c'est un beau métier, je trouve. Maman. Non. C'est très bien. Je suis maman par deux fois et c'est génial. C'est un des plus belles fonctions de ma vie, je dirais. Le plus beau métier d'ailleurs, c'est vrai. Mais non, je suis dans l'immobilier depuis 24 ans. D'accord. Ah, super. Bon, très bien. Très bien. Les gens, trouver des petits nids d'amour, comme ah, les oui. Karine aux gens, donc je trouve ça très sympa. C'est important. Et tu les trouves en Bretagne ou à Paris, ou les deux? Un peu partout, et aujourd'hui j'ai une autre casquette, je suis franchisée pour un groupe, en fait, franchiseur, pardon, j'installe aussi des agents immobiliers. D'accord. Mais c'est partout en France, l'IMO, je ne me mets pas de limite. Et je peux te demander pourquoi tu es là ce soir? Qu'est-ce qui fait que tu écoutes Radio Resto et que tu nous appelles? Eh bien, je suis là ce soir parce que j'ai entendu l'appel de Laurent Petit-Guillaume. J'ai vu le relais fait par Karine sur Insta. Et ça m'interpelle parce que moi, j'ai été bénévole à une époque. Ah, super. Ah, ça m'intéresse. Il y a deux essentiels dans... Enfin, il y a deux essentiels et deux, je dirais, obligations sur cette terre pour les gens. On se doit de leur fournir, c'est un logement et à manger. Et aujourd'hui, en France, on a une grosse problématique. C'est qu'on ne peut plus loger des gens. Il y a des gens qui sont et à la rue et des gens parfois qui cumulent aussi les deux inconvénients. Donc là, c'est trop. Ouais. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Et je rappelle que les Restos du Cœur, c'est pas simplement de l'aide alimentaire, c'est aussi de l'aide à un retour au travail, de l'aide à une recherche de logement. C'est compliqué, mais dans les centres d'accueil, il y a aussi ce travail-là qui est fait avec les personnes accueillies. C'est difficile, mais tout est possible quand on s'y met vraiment. Donc les restos, c'est pas simplement de l'aide alimentaire. T'as été bénévole combien de temps? J'étais bénévole toutes mes années d'études de fac. Ah, génial, hein, génial. 4 ans, et je pense à le refaire parce qu'en vieillissant, on est un peu plus à l'aise sur son planning et plus calé financièrement. Ouais. Et comment dire? J'ai mon fiston qui est à Paris, qui est dans le cinéma. Ouais. Qui est depuis 4 ans, qui travaille dans le cinéma et qui a tout de suite été bouleversé par tous les gens qu'il voyait à la rue. Des gens qui n'avaient pas à manger. Et vous le savez qu'en intermittent, on ne gagne pas 15 000 euros par mois, bien évidemment. Oui, c'est vrai. Et quand mon fils m'a annoncé qu'avec les petits moyens qu'il avait, il versait tous les mois 20 euros à une association pour de nourriture de quartier, je me suis dit, waouh. J'ai bien fait mon job, t'as dû te dire. J'ai réussi à lui transmettre ce que j'étais. Complètement. Et puis, il est... Là, j'ai découvert que c'était bien plus grave que ce que je voyais de loin. Ah oui. Moi, je vais souvent sur Paris, donc je le vois. C'est une catastrophe, les gens qui n'ont pas à manger. C'est juste une catastrophe. Oui, puis tu sais, c'est ce qu'on disait, on dit très souvent, il y a des sons bizarres dans cette conversation, c'est qu'il y a aussi très très souvent des gens qui n'osent pas aller voir le monde associatif et notamment les Restos du Cœur. Le premier pas est le plus difficile, après c'est vrai, vu que les bénévoles des restos sont formés à ça, il y a un lien qui se construit petit à petit, c'est un bonjour, comment allez-vous, et après c'est une vraie aventure, une vraie histoire qui se crée entre les bénévoles et ceux qui sont accueillis, mais c'est pas évident, le premier pas est assez difficile. Bon, alors écoute, nous on est là pour soutenir cette cause. La petite enfance cette année, on est vraiment très heureux. Moi j'ai un compteur devant moi qui affiche 35 339 euros. C'est super. Oui, on peut. Juste quelques chiffres, par exemple, un don de 100 euros, c'est 25 euros après déduction fiscale. Et ce don-là de 100 euros correspond à un bébé accompagné pendant 3 mois. Nourriture et hygiène. 100 euros, c'est bébé accompagné pendant 3 mois. Donc tu vois ce que déjà 35 339 euros peuvent permettre. Alors on va jouer à ce jeu. 35 000 euros, ça fait la vie d'un bébé. Qui ne grandirait pas. Voilà, c'est tout. Alors on va jouer à ce jeu du question pour un gros don. Alors tu vas écouter les questions de Karine. Et si tu réponds correctement à ces 3 questions, tu permettras au resto de gagner 60 000 euros supplémentaires. D'accord, Sophie? C'est la pression totale. Ah, mais grave. T'inquiète pas, hein, si tu y arrives pas, on passera à un autre. Tu n'as rien à c'est perdre. C'est pas tu trop difficile, je te jure. Alors, allez. Karine Lemarchand, oh là là. Karine Lemarchand, on vous écoute. Alors, je commence par la première question. C'est ça. Donc, on va par la dernière. Donc, le thème, c'est les Restos du Cœur. Combien de jeunes enfants de 0 à 3 ans ont été accompagnés lors de la dernière campagne? Est-ce que c'est 57 000? Est-ce que c'est 98 000 ou est-ce que c'est 126 000 enfants? Attention, combien de jeunes enfants de 0 à 3 ans ont été accompagnés lors de la dernière campagne? Je peux donner un indice? Ouais. Oh, tu peux. C'est beaucoup trop. Voilà. Alors? 126 000 alors, le max. Note, on verra si c'est la bonne réponse. On le note. Deuxième question. Le thème les enfoirés. Quel était le titre du spectacle des Enfoirés qui a été diffusé en mars dernier, en mars 2023 Pas en mars dernier, pardon. En mars 2023, sur TF1. Donc, quel était le titre du spectacle des Enfoirés en mars 2023? Est-ce que c'était Enfoiré, bonjour? Enfoiré, au secours? Enfoiré, un jour, toujours? Sophie. Enfoiré, bonjour. Enfoiré, au secours. Enfoiré, un jour, toujours. Manu, tu sais ou pas? J'en sais foutrement rien. Autant le 126 000, je savais. Oups, pardon. Ah, mais, autant celui-là, je sais pas. Allez, vas-y, I lance. Know, I know. Tu sais? I know. Vas-y. En 2023, c'était Enfoiré, un jour, toujours. On note. Je le note, c'est noté. Attention, dernière question, Sophie. Quelle pression. Sur le monde de la radio. C'est tellement fastoche. Non, c'est pas évident. C'est fastoche. Non, c'est pas évident. Ah bah si. Vas-y. Sur quelle radio peut-on encore écouter les grosses têtes? Ah, c'est pas évident. Desquelles je fais partie? Est-ce que c'est RMC? Est-ce que c'est France Culture? Ah, peut-être. Ou est-ce que c'est RTL? C'est RTL, je les écoute tout le temps. Eh bien, ma foi, Première question, combien d'enfants de 0 à 3 ans ont été accompagnés lors de la dernière campagne? C'était bien 126 000. Malheureusement. Ouais, bravo. C'est trop, mais c'est bien. Mais on le fait. Deuxième question. Le titre du spectacle des Enfoirés diffusé en mars 2023, c'était Enfoiré un jour toujours. Excellente réponse. Oh, ça fait et la troisième, c'est attention. Bien. Les grosses têtes sont bien sur RTL. Ouais, c'est gagné. Bravo. 60 000 euros. C'est énorme. 60 000 euros augmentés sur ce compteur, donc qui va passer la barre des bons. C'est génial. Verdés. Mais on peut pas dire, on peut pas citer pour qui? Ah si, bien sûr. Ah, c'est-à-dire, on ne dit pas qui donne l'argent? Non, on va pas le dire. On est comme ça, on ne le dit pas. Le président a dit, on ne le dit pas. C'est mais un c'est partenaire très important, n'est-ce pas, président? Il fait oui de la tête, n'est-ce pas? On ne dit rien. Pourquoi on ils ne veulent, veulent pas le dire? On ne bon, dit d'accord. rien. Le président. Attendez, on va attendre le bon, l'avis bah, du président. Sont, bah, attendez, le président arrive, il est porté un peu comme le chef des Gaulois. Prenez le micro. Ils veulent pas. Président Patrice. En tout cas, nous, on aurait pu les remercier. En tout cas, voilà. On peut remercier tous nos partenaires. Par exemple, on peut remercier, Igencia. Et puis surtout, on peut remercier la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, par exemple. Voilà. On remercie. Oh bah, c'est super. Merci beaucoup. Merci Sophie. À vous, hein. Bon, alors, Sophie, un grand merci pour ce témoignage. C'est top. Ça a été vraiment là essentiel, ce que tu as dit, ce que tu as transmis à tes enfants, ce que tu as fait dans la vie. Toi, tu as été bénévole au Resto du Cœur. Tu nous écoutes ce soir et tu participes aux questions pour un gros don. J'ai envie de dire bravo, là, tout est bon dans ce qu'elle nous c'est a donné. C'est trop bien. Merci Sophie. Merci Sophie, hein. C'est grâce à toi. Écoutez, j'essaye. À 60 000 euros, c'est un bel essai. Hein. Non, mais petit à petit, moi je trouve qu'avec le cœur, on va sauver le monde. Moi, j'y crois. Bon, vous savez quoi? Si vous avez d'autres questions, vous m'appelez. Ouais. Alors, je cherche un F2 du côté de. Vous m'envoyez le descriptif. Il se trouve que j'ai un appart à Paris. Je vais bientôt là. Ah, c'est vrai. Dans la semaine prochaine. Dans quel quartier? Près de l'Arc de Triomphe. Oh là là. Ah, c'est pas assez huppé pour nous ça. Si on n'est pas en haut de l'Arc de Triomphe, on prend pas nous les appartements. Non, c'est trop banlieue. Oh là là. Non, c'est bien. On vous embrasse, Sophie. Merci. Au revoir, hein. À bientôt, Sophie. Bravo. Merci à vous. Bon, bah ah, voilà. C'est trop bien. Ah, c'est génial. Bon, on va augmenter, on va faire les calculs, hein, parce qu'on était à 35 489 euros. Là, j'ai du mal à calculer la suite. En tout cas. Vous voulez pas le numéro de téléphone de mon ex? Ah oui, si tu veux. Pour faire question pour un gros con. Ah, apparemment, ça a bien cicatrisé. Alors, je rigole, j'ai pas dit quel c'était. S'il écoute, il y en a quelques-uns. S'il écoute. Oh là là là là. Non, bah, le répertoire de Karine ne peut plus accepter de numéro. Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas tant que ça, elle est difficile. Oh là 01 800. À partir de 3-0, t'arrêtes de compter. Oh, quel salaud, c'est pas vrai. 01 850 90 600. Allez, venez nous parler d'amour, de solidarité, des Restos du Cœur ou de ce que vous voulez. Voilà, si vous avez envie de vous marrer ce soir, de parler à Manu Lévy, ça arrive pas tous les jours, et à Karine Le Marchand, ça arrive pas tous les jours non plus, je vous promets. 01 850 90 600, on a besoin de vous et les restos aussi. À tout de suite, on écoute un coup de folie, tiens, Thierry Pastor, ça fait du bien. Ça rappelle des souvenirs. Ah oui, tu le fais bien. Il y a un nom, mais elle le fait. Ah ouais, c'est bien de faire nanana et ensuite. C'est pas fini. Ouais. Nanana. Voilà. Vous avez un aperçu de Karine Le Marchand à 3h du matin en boîte. Les grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. C'était Thierry Pastor sur Radio Resto. Radio Resto, saison 5. Les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Qu'est-ce que j'en sais, moi? On n'a pas d'appel. Ah, c'est pas vrai. Non, on n'a pas d'appel, alors qu'ils ont appelé toute la journée. Dès que tu as lancé un appel sur Instagram, ils ont appelé tout au long de la journée pour te parler. On leur a dit que tu venais à partir de 21h. Bah, et oui, à 21h38, ils dorment. Mais ou alors, ils regardent un truc à la télé. Je ne sais pas s'il n'y a pas la finale, on est vendredi. Qu'est-ce qu'il y a le vendredi? Je relance. Redonne-moi le téléphone. Il y a Arthur. Alors, Arthur. Oui. Il sera là demain, d'ailleurs. C'est la spéciale. C'est la spéciale avec toutes les vedettes, toutes les stars. Michel Bernier. Il y en a plein. Il y a Laurent Ruquier, etc. etc. Alors, donne-moi le téléphone. Alors, c'est bien le 01 850 90 600. Sachez-le. À partir du moment où vous nous appelez, à partir du moment où vous dialoguez un tout petit peu avec nous, généralement, très rapidement, il se passe de très belles choses dans votre vie. Ça peut arriver l'heure d'après, dans la nuit, ou le lendemain. Ça, c'est d'expérience. Alors, 80, j'ai les chiffres dans les yeux, 96% des gens qui viennent avec nous deviennent millionnaires dans le quart d'heure. Exactement. Certains célibataires l'an dernier qui appelaient notre numéro, le 01-850-90-600, même s'ils ne cherchaient pas l'amour, ils le trouvaient. Il y a eu, alors sans vanne, il y a eu un couple. Tu est-ce qu'on peut en parler? Oui, oui. Il y a c'est un peu ton boulot. On a formé un couple possible ici. J'aurais t'expliqué. Vas-y, raconte. L'an dernier, une jeune femme s'est proposée pour être bénévole standardiste de Radio Resto. D'accord. Elle est venue. Elle a rencontré un technicien. Elle s'appelle Shannon. Elle a rencontré un réalisateur, un technicien. Ça s'est bien passé. Et depuis, ils emménagent dans 15 jours. Mais arrête. Ils se sont rencontrés il y a absolument un an. Ah, génial. Et l'année, et, ben voilà. Et l'année prochaine, elle est en régie, elle est là-bas, c'est Shannon. Et mais je la connais. Ah, c'est vrai, tu la connais. Bien sûr, elle est aux Grosses Têtes. Ah, mais elle travaille aux Grosses Têtes. Elle qui s'occupait de nous aux Grosses Têtes. Ah, c'est pas vrai. Mais si. Et attends, figure-toi qu'aux Grosses Têtes, elle a aussi rencontré l'amour avec un autre mec. En fait, elle a 8 vies. Et 8 mecs différents. On est désolé. On va me mettre mal à l'aise, mais c'est la vérité. On ne peut rien. Et donc, là, ce qu'on lui a proposé, c'est que dans un an, elle revienne avec un bébé Radio Resto. C'est-à-dire que. Bah, elle n'a peut-être pas envie. Attends, elle vient peut-être d'emménager. Lui bah, elle a pas envie, il faut un storytelling quand même. Ils emménagent dans 15 jours. À un moment donné, il y a un enfant au bout du compte. Bah, voilà. Il est où le copain? Il est celui-là qui arrive avec le t-shirt. Ah, ils sont trop mignons. Voilà. Attends, on parle de copain Radio Resto ou du copain RTL? Du copain Radio Resto. Radio Resto. Et non, a priori, quand t'emménages au bout de 15 jours, tu fais un enfant après, non? Mais pas du tout. Ah bon? Mais pas du tout. Ouais, donc faut emménager pendant. Faut faire comment? Bah, t'aménages longtemps pour voir si ça se passe bien quand même quand t'emménages avant de faire un enfant. Non. Ah oui. Et d'abord, il y a des gens qui ne veulent pas faire d'enfants. Ah, puis il y a des gens qui ne veulent pas emménager, qui font quand même des enfants. Il y a des gens qui veulent rester seuls. Bon, il y a tellement de gens différents. Ah, bah tiens, voilà le fiancé en question. Voilà. C'est vrai que vous vous êtes rencontrés. Parle, Franck. Vous vous êtes vraiment rencontrés l'année dernière. Absolument. Et elle était au standard. Elle était au standard. Et tu étais derrière les boutons là qui font la technique. Alors pas tout à fait, mais d'autres boutons. Ah oui, d'accord. Okay. Qui a engagé la conversation le premier? Moi, en lui servant à boire. Ah. Pas mal à boire de l'eau. Bien sûr. Oh. Parce que tu l'as trouvée jolie. Parce qu'il fallait faire boire tout le monde. Mais avec modération. Est-ce que ça s'est vraiment concrétisé pendant ce week-end ou pas? Alors réellement, on a parlé pendant quelques heures ici, et après on s'est revus une semaine plus tard. Vous voyez, c'est fou ce qui peut se passer quand on appelle Radio Resto ou quand on est bénévole à Radio Resto. Voilà. Alors, moi j'ai créé des couples aussi avec le Live Love, peut-être on pourrait essayer de les appeler. T'as créé des couples? Ah bah oui, vous vous souvenez pas du Live Love pendant le confinement, tous les soirs je descendais et je faisais des lives en direct pour que les gens trouvent l'amour. Et il y a des bébés, Live Love, bah, bien sûr. Ouais, j'essaie de vous retrouver ça, parce que peut-être si je leur téléphone, on va. Est-ce que tu as l'impression que c'est ton destin de faire rencontrer les gens, de faire qu'il y ait de l'amour, de faire qu'il y ait des couples, de faire que les gens soient heureux? Moi, j'aime bien trouver des solutions aux problèmes des gens, d'une manière générale. Ah. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si tu as un problème, est-ce que tu as un problème, Manu Lévy? Est-ce que j'ai un problème? Enfin, pas ouais, mais bon. je vois des gens, hein. Ils m'ont donné des médicaments. Ouais, c'est intime, tu vois. C'est Donc voilà, si vous cherchez l'amour, si vous avez envie ce soir de rencontrer celui qui vous attend, vous nous appelez 01 850 90 600. Pardon? Mais c'est un bon sujet de savoir comment les gens se sont rencontrés. J'adore, moi je fais toujours ça dans les dîners. Comment vous vous êtes rencontrés? J'adore. Il y a un truc que j'ai jamais fait moi, par exemple, c'est d'aborder quelqu'un dans la rue. Pour lui demander? Ouais. Comment il s'est rencontré avec son mari et non, tout non, ça pour Karine, pour tu draguer. Pas ah, pour parler quelqu'un dans la rue, pour draguer. Oui, pour draguer. Moi, j'ai un pote, il l'a toujours fait. Mais même à 3-4 heures du matin, ivre mort? Moi ou le bon pote? Toi. Moi non, parce qu'à 3-4 heures du matin ivre mort, je fais juste la cafette un peu. Et donc la personne en face ne comprend pas ce que je dis. Non, je parle dans la rue, dans la vie normale, de tous les jours. J'ai jamais abordé quelqu'un que je connais pas. 95 564 euros, mesdames et messieurs. 95 564 euros collectés et notre objectif dorénavant, 150 000 euros. Et il n'est que 21h44, c'est Radio Resto. Bon, alors, vous cherchez l'amour ou pas, sachez-le, si vous nous appelez maintenant, votre vie va changer. 01 850 90 600. On peut vous expliquer comment ça se passe. On peut pratiquement vous parler de votre avenir ou en tout cas vous conseiller. N'hésitez pas, c'est Radio Resto. Et puisqu'on cherche, l'amour, et ben voilà, ah voilà un duo magnifique. Ah, j'adore. Die with a smile. Lady Gaga et Bruno Mars. Mourir en rien. Ouais, ouais. Oh, bah, ouais. Du don. Non, mourir avec un sourire. Oui, oui, bon. Ça revient au même. Non, mais tu peux mourir d'amour. En souriant. Ouais. Ah bon, bon. C'est mourir d'amour, c'est pas mourir vraiment. Hein, non. T'as jamais, non, jamais vu. Non. Non. Bah, écoute, en même temps, t'es jamais morte, donc. Lady Gaga, Bruno Mars sur Radio Resto, on vous attend 01 850 90 600. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. C'était beau, hein. Lady Gaga est beau. Oh là là là là. Mars, tu vois, ça vaut le coup de mourir avec le sourire. Ah oui. Bon, le plus tard possible si ça ne vous gêne pas. Sur Radio Resto. Radio Resto. Bienvenue dans la saison 5 de Radio Resto. C'est de la radio libre, c'est pour soutenir les Restos du Cœur. Cette année, la cause que l'on défend, c'est la petite enfance. Mmh. Et pour l'instant, nous avons déjà récolté 96 304 euros. Merci, merci, merci. L'objectif dorénavant, c'est 150 000 euros. Peut-être tu arrives tranquillement, mais sûrement. En tout cas, avant dimanche, c'est sûr. Bonjour Nelly de Gironde. Oui, bonjour à tous. Ah, bonjour. Bonjour Nelly. Bonjour Nelly. Eh bien, avec Nelly, figurez-vous qu'on va parler enfin d'amour. Oui. Ah. Alors, vas-y Nelly, on t'écoute. Ah, je te présente tout d'abord, pardon, je te présente Madu Lévy. Enchanté, bonjour madame. Bonjour. Bonjour Nelly. Je te présente Karine. Karine. Bon, je sens qu'il y a un truc avec Karine. Vas-y, ah ouais. On t'écoute. Ah ouais, Karine, elle nous parle d'amour depuis des années. Bah, c'est donc, ça. Il y a des gens qui font l'amour pendant des années. Moi, je parle d'amour depuis des années. Et ça te suffit. Non, l'amour pendant des années, c'est des prétentieux optimistes et un peu menteurs. Alors, l'amour et toi, Nelly, c'est quoi? C'est une histoire qui commence comment? Bah, c'est une histoire qui commence lors d'un mariage où monsieur est témoin du marié et moi je suis témoin de la mariée, mais on s'était vu une ou deux fois avant. Ouais. Et il s'était rien passé. Même pas de eye contact. Non. Mmh. Un petit peu comme ça et puis après bah de fil en aiguille, on a dit on se revoit et tout. Voilà, et puis ça fait 25 ans que ça dure. Ah oui. C'est beau. Et est-ce que les mariés sont toujours ensemble? Ouais, aussi. Ah. L'histoire est jolie, ça aurait été plus sympa si t'avais été avec le marié et lui avec la mariée. Mais bon, on peut pas tout avoir dans nos histoires. C'est joli, mais c'est pas ouf. Moi, j'ai envie de savoir qui a fait le premier pas. C'est moi. Ah, c'est bien, mais elle a raison. C'était pas notre génération, maintenant je le fais moi aussi. C'est vrai? Bah, bien sûr. Ouais. Bah, monsieur, j'attends. Monsieur est un peu plus timide, donc. C'est moi qui ai fait le premier pas. Bon, voilà. Après, ce que je ne savais pas trop, c'est qu'en épousant l'homme, j'ai épousé le métier parce qu'il est artisan. Ah oui. Voilà. Mais c'est comme les agriculteurs de. C'est ça. De oui, Karine, mais tu sais, être avec un homme passionné, c'est bien. Hein. Ouais. Tu vois ouais, c'est ouais, plutôt voilà, admirable quand même hein, que d'avoir quelqu'un qui s'ennuie toute la journée. Il est artisan quoi? Il est plombier chauffagiste. Ah ouais, il bosse tout le temps. Ouais, ça, c'est vrai. Il bosse c'est beaucoup. Vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Il a toujours besoin. Voilà, donc c'était pour pouvoir partager ça avec vous ce soir. Et il y a eu des enfants? Oui, il y en a trois. Ah ouais. Avec lui ou avec un. Non. Je pose des questions. Deux qui nous écoutent et qui vous regardent sur Radio Resto. Ah, c'est ah, gentil. Sympa. Voilà. Ah oui, on est filmé, c'est vrai. Oui, on est filmé, ouais. Non, mais attends, mais moi. Ah, remets-toi, tiens-toi à droite. Je peux pas, je me suis coincé le dos. Voilà, donc deux qui vous écoutent, et puis bon, la troisième, elle fait tranquillement sa vie. Tranquille. Et toi, tu as eu le temps quand même. Alors, il y a ces trois enfants, je ne sais pas quel âge ils ont, mais c'est un travail. Et tu as toi aussi une profession, tu as le temps de travailler? Oui. Ah, bah génial. Oui. Mais non, ils sont grands. Enfin, elles sont grandes. Il y a deux ados, et puis il y a une petite de 9 ans. Ah oui, non, c'est petit encore. Oh, 9 ans, je pense qu'elle travaille déjà, elle fait quoi comme métier? On peut commencer vite la plomberie, très tôt. Elle est coiffeuse pianiste, la petite, ouais. Ah, coiffeuse pianiste. Mais tu sais quoi? Elle est coiffeuse pianiste, ouais. Ma fille, elle voulait être coiffeuse astronaute. C'est drôle. Mais quand on est enfant, on a tellement de l'imagination. On se pose pas de questions, en fait. Bah ouais. J'aime bien être coiffeuse, j'aime bien être astronaute. Je serai coiffeuse astronaute. C'est trop bien. Pareil. Ah, et alors Et ben alors, elle n'est pas coiffeuse, et puis elle est loin d'être astronaute. Et les ados, ils sont dans la période facile ou difficile? Comme des ados. Oui. Certains jours, c'est facile. Il y a des jours où c'est un peu plus difficile. Mais bon, elles sont quand même plutôt cool. Voilà, c'est des filles qui sont chouettes et qui sont cool. Donc... J'ai une dernière question, Nelly. On est là, bien sûr, pour parler, tu le sais, pendant 48 heures des Restos du Cœur, des différentes actions des Restos du Cœur, et notamment cette année, la cause que l'on défend, c'est la petite enfance, le soutien à la petite enfance sur différents secteurs. Super, et quand on... Restos du Cœur, ça résonne dans l'esprit d'une ado? Restos du Cœur, ça résonne dans l'esprit d'une ado. Alors, je pense qu'elles sont quand même... elles sont sensibilisées. Mmh. Hein, parce que au quotidien, on les sensibilise aux différentes valeurs. Tous les jours, on travaille dur hein, pour leur faire, enfin voilà, pour pouvoir avoir quelque chose dans le frigo. Mais c'est aussi voilà, les sensibiliser à ça. On a une antenne des restos pas très loin de chez nous, donc ça arrive que certains jours, ben, au moment de la collecte, on voit qu'il y a du monde. Ça peut être aussi un moment de dialoguer avec les enfants. Pour rappeler ben, pourquoi il y a des gens qui vont au resto, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a peut-être eu un accident de la vie qui fait qu'on en a besoin, en fait. Elle est chouette, Nelly. Hein. Ouais. Ah ouais, ça pourrait être une amie. Ouais. Même si elle a le prénom de la méchante dans la petite maison à Paris, elle est chouette. Nelly Olson. Oui, Nelly Olson. Ouais, ouais, Nelly Olson. J'ai le droit. C'est sûr. Normal. Bon, Nelly, merci pour ton appel, c'est vraiment très sympa de te parler. On fait des gros bisous. Merci à Radio Resto pour cette super action. C'est Lolo, hein, ça c'est aussi. À bientôt Nelly, gros bisous de tous les trois. Merci, merci. Merci, au revoir. J'ai une maman, qui cherche une copine pour son fils. C'est dingue. Oh, c'est-à-dire, vas-y. Bonjour, Karine va lui bonjour madame. Sans ton agenda d'agriculteur. Bonjour madame. Bonjour. Alors, bonjour. Comment vous appelez-vous? C'est quoi votre prénom? Alors, mon prénom, c'est Marie-Pierre. Oui. Marie-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Je téléphone pour les miracles de l'amour que fait Karine. Alors, dites-moi. Eh bien, je vous appelle pour mon fils Benjamin, qui se trouve actuellement aux côtés de sa nonne. Ah, il est là, Benjamin, c'est celui qui est là. C'est la maman de quelqu'un qui travaille avec nous. Oui, qui est derrière la vitre. D'accord. C'est trop drôle. Et alors? Et alors, c'est un garçon formidable qui a beaucoup d'amis et j'aimerais bien justement que quelqu'un fasse son bonheur. Donc, comme je sais que Karine est très... Benjamin, t'es gay ou t'es pas gay? Non. on va lui demander. On le fera venir en studio tout à l'heure. Il a dit non. Il se fait quand même afficher par sa mère. Viens, Benjamin, viens nous voir. Mais non, il est à la vidéo. Viens nous voir. Mais non, il va aller à la vidéo. Viens nous voir, Benjamin. Il va arriver dans le studio. Je vais faire son portrait en direct. Marie-Pierre, on va s'occuper de lui, d'accord? Allez. D'accord. Mais vous êtes vraiment inquiète, Marie-Pierre? Non, je ne suis pas inquiète. Parce que je sais qu'il est entre de bonnes mains avec vous. Oui, non, mais sinon, vous êtes inquiète? Non, je suis pas inquiète. Non, bonjour Benjamin. Alors, j'ai l'impression d'être à la télé de regarder Karine Le Marchand. Attendez, mesdames, messieurs, Karine va s'en occuper dans un instant. Mais comme il est bientôt 22h, on est là aussi pour écouter de la musique. Vous pensez pas ce matin qu'il se passerait tout ça. Pour parler des Restos du Cœur. Et mesdemoiselles qui nous écoutez, on va vous présenter un garçon qui est bien sous toutes les coutures, comme on dit. On va regarder ça de près. Exactement, et vous pourrez évidemment l'appeler au 01 850 90 600. Voilà ce soir, si vous avez besoin d'amour, si vous cherchez l'amour, allez, on y va, on s'en occupe. 01 850 90 600. Et pour Benjamin, on va écouter Eddy de Préto, Être bien, sur Radio Resto. On aura beau me dire, pour être bien, faut beaucoup d'argent. Et sourire, il y a pire, même si c'est noir dans le dedans. Faire du sport, ne pas grossir. Être jolie, évidemment, une estime de soi brûlante. Travailler jusqu'à épuisement, et puis reprendre un autre calmant. Faire un peu de chirurgie avant, pour effacer ce qu'a fait le temps. On aura, vaut me dire, mais je crois que je suis au courant. Finalement, vaut mieux en rire, pour être bien, faut faire semblant. Ouais. Plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace, découvre, j'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même, d'être bien avec moi-même, d'être bien. Des sacrifices j'en ai fait, les hommes solitiques je connais. Au secours, j'ai même pris la boîte entière jusqu'à plus voir d'effet. Tous les amis j'ai appelés, eux se sont déjà sauvés. Ils ont quitté la capitale. Pour ceux qui dansent pieds nus sur du béton brûlant. Puis moi je suis resté sur ce même divan. Ouais. Plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace, plus je découvre. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même, d'être bien. De gens joie, et moi, et moi, et moi, et moi. Pourtant, je n'ai besoin de rien. J'ai toute ma vie clé en main. 8 milliards de gens qui se noient. Et toi, et toi, et toi, et toi. Si tu veux attraper ma main, celle qui se donne du mal pour être bien. Pour être bien. Plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace, plus je découvre. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même, d'être bien. Plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace, plus je découvre. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même. D'être bien. D'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même. D'être bien. J'adore cette chanson. Et dit de Préto, ouais, moi aussi. Et ce chanteur. Nous aussi. Et vous aussi. Radio Resto, il est 22h. Tout de suite, les 3 minutes d'info, un sujet des étudiants de Ingentsia. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Depuis leur création, les Restos du Cœur sont principalement connus pour leur aide alimentaire. Et pourtant, peu de monde sait ce que reçoivent les personnes accueillies. Mais alors, comment se compose un panier des Restos du Cœur ? Reportage de Leïla Vaquier, ISCP à Lyon. Il est 9h et le centre de Décines Charpieu vient de se faire livrer ses produits pour la semaine. Le camion déverse des palettes de fruits et légumes, de produits laitiers, de quoi composer le panier de la semaine. Maryse, bénévole depuis 7 ans et responsable depuis 3 ans, supervise la livraison aux côtés des autres bénévoles. Alors que chacun s'affaire à son poste, Maryse nous explique la composition de ces paniers prévus dès l'inscription des personnes accueillies. On a plusieurs postes pour la distribution, donc on a ce qu'on appelle les accompagnements. Donc les accompagnements, ça concerne les conserves de légumes, les féculents, donc on a les accompagnements. Après, on a les desserts. Donc dessert, c'est gâteaux, conserves de fruits, compotes, puis voilà, essentiellement un peu au chocolat aussi, des fois on a du chocolat. Après on a les laitages, yaourts, et on a aussi tout ce qui est fromage. Sur les 130 familles qui viennent par semaine, elles peuvent avoir besoin à plus que de la nourriture pour leur vie de tous les jours. C'est ainsi que les Restos du Cœur de Décines décident d'inclure aussi des produits de première nécessité à leur panier. Alors, on peut donner aussi ce qu'on appelle de l'hygiène. On a des gels douche, souvent. Oui, du savon, là, il y en a. Des serviettes hygiéniques. Ça dépend ce qu'on reçoit, ce qu'on peut avoir en hygiène. La semaine dernière, alors que les premières fraîcheurs d'automne s'installaient sur le pays, le centre a accueilli près de 140 familles. Un chiffre qui varie de semaine en semaine, mais qui double, voire triple, pendant la campagne d'hiver des Restos du Cœur. Merci aux élèves de l'Igensia qui nous accompagnent cette année pour cette 5e édition de Radio Resto. Radio Resto, saison 5, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Et pendant 48 heures jusqu'à dimanche, 20h au 01 850 90 600, voilà, appelez-nous si vous voulez, si vous avez envie de nous parler des Restos du Cœur, si vous êtes bénévole, si vous avez été accueilli au centre, dans les centres des Restos du Cœur, ou bien si vous êtes tout simplement passionné de radio, parce qu'on est là tous autour de cette table, passionné de radio, et ce sera comme ça jusqu'à dimanche 20h. Je rappelle que nous sommes là également pour faire des appels aux dons, et nous en sommes à 97 104 euros collectés. Notre objectif, c'est 150 000 euros. C'est génial. Vous allez sur le site radio.restoducœur.org ou bien sur l'application. C'est très facile et je rappelle qu'évidemment, pour un don de 100 euros, après déduction fiscale, ça correspond à 25 euros. Et avec ces 100 euros, c'est un bébé accompagné pendant 3 mois. Bébé accompagné, financement de ce qu'on appelle des kits bébés, c'est le strict nécessaire, le strict essentiel, couche, lait, petit pot, soins également pour les enfants de 0 à 3 ans. C'est comme ça que ça se passe sur les centres d'accueil des Restos du Cœur. Et encore un chiffre, 126 000 bébés de 0 à 3 ans ont été accueillis en 2023 dans les centres d'accueil des Restos du Cœur. Bon voilà, on va soutenir évidemment cette cause jusqu'à dimanche 20h. Autour de la table, Manu Lévy, Karine Lemarchand, c'est de la libre antenne, on peut parler de tout ce que vous voulez. Et donc on parle d'amour. Oui, alors, parce que donc il y a Marie-Pierre qui nous a appelé. Elle est là encore, Marie-Pierre. Donc Marie-Pierre, c'est toujours là. Marie-Pierre, vous êtes là? Non, voilà. Oui, c'est ça. Ah si, elle c'est est toujours là. Bon, oui, c'est oui, allez, on attaque maintenant le dossier du fils. Ouais. Donc Marie-Pierre nous a appelé parce que son fils qui travaille ici sur ce projet des Restos du Cœur, qui n'était pas du tout au courant de son appel. Pas du tout. Et donc tu es célibataire? Oui. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Ah. Bon, tu as déjà vécu une histoire Oui. T'as déjà présenté une femme à ta mère? Oui. Ça a duré combien de temps, celle-là? 6 ans. Ah oui. Ah oui. Et combien? Sa mère l'a mangée après. Elle est très possessive. Non, pas du tout. Elle ne mord pas. Elle mord pas. Tu l'as rencontrée, cette fille, avec quel âge? J'avais 20 ans quand je l'ai rencontrée, mais on s'est mis ensemble, j'avais 23 ans. Ah, donc ça vient de se finir. Ça s'est fini il y a un peu plus d'un an, ouais. Et on sait pourquoi? Ta mère, elle sait pourquoi? Non, mais elle est partie pour faire d'autres aventures de son côté. Vous viviez ensemble? On vivait ensemble, oui. Ah, vous aviez pris un appartement ensemble? On a vécu ensemble pendant 6 ans. Oh bah ça va, il n'y a pas urgence non plus. T'es célibataire depuis combien de temps? Ben depuis un peu plus d'un an. Oui, mais parce que sa maman, elle l'inquiète parce qu'elle l'a vue triste. Bah un peu, oui. Bah c'est normal. Mais... Bah bien sûr. Ah, c'est ça, Marie-Pierre? Tout à fait, je l'ai vue très très triste. Bah évidemment. Elle était gentille, cette fille, avant d'être méchante? Elle a toujours été gentille, elle est toujours gentille. Elle est méchante. Hein. Ah. C'était vraiment une fille super sympa. Bon. Moi, j'ai rien à lui reprocher après. Bah oui. Voilà. Après, ouais, c'est la vie. Ouais. Après, voilà, elle est tombée enceinte d'un autre. Voilà. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Son meilleur ami. Non, le frère. Mais enfin, c'est pas important. Non, mais bon, un an, normalement, un an et demi, ça y est, on commence à avoir fait son deuil. Bah oui, mais j'ai l'impression que bon. Bah on a des peurs. Ah bah non, mais après on a des peurs. C'est-à-dire qu'on peut, hein, c'est ça, non? Un peu, oui. Après, on a peur de souffrir. Un peu. Bah ouais, oui, on a peur de recommencer une histoire et de se replanter. Ah, mais regarde, si ça dure aussi longtemps, c'est dans 9 ans, t'as le temps de voir venir. Non, mais tu vois. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah alors. Il a raison d'avoir peur, mais ça veut dire aussi qu'il faut pas s'emballer, mais il faut pas fermer son cœur. Ça veut dire qu'il faut effectivement quand même essayer de détecter des signaux. Ou peut-être commencer par une amitié. Il y a aussi beaucoup de gens comme ça qui ont beaucoup souffert en amour, qui ne veulent plus être échaudés et qui ne veulent plus que leur cœur s'emballe. Et donc, ils vont commencer à être amis. Et puis après, petit à petit, l'attachement en fait, à la personne, en fait, ils vont bien la connaître et ils vont petit à petit glisser vers une histoire d'amour. C'est peut-être ça qu'il faut que tu envisages. Il n'y a pas une fille qui te plaît au boulot? Pour l'instant, non, pas spécialement. Comme ami, après, comme ami, je m'intéresse pas forcément à ça pour l'instant. Ça. C'est ça, il a fermé. Est-ce que cette histoire a changé quelque chose en toi? Est-ce que tu as fait quelque chose depuis cette fin d'histoire? Je me suis bourré la gueule. Non, au contraire, je me suis repris, on va dire, physiquement. Ah, tu vois. Parce que je me suis mis au sport. Je m'étais pas forcément laissé aller, mais très bien. Voilà, j'avais arrêté le sport, je me suis remis au sport, j'ai perdu plus de 20 kilos en un an. Ah, c'est pas vrai. Donc, je me suis remis au sport. Donc, t'avais 20 kilos de plus quand elle est partie? J'avais 20 kilos de plus. Elle t'a rien dit? Mais après, on s'est connus, j'avais le poids que j'ai actuellement. Mais et puis, pourquoi t'as pris 20 kilos petit à petit? Tu t'es endormi? Parce que j'aime bien manger, tout simplement. Et puis, je pense que quand on se met en couple, on se... Bah, 20 kilos, tu vas fort. Ah, c'est une erreur. Il y a eu le Covid aussi, malheureusement. Alors, 20 kilos, c'était en un repas. C'est un truc de dingue. J'allais me faire cuisiner. C'était un moment incroyable. Voilà. Et oui. Donc là, t'es en train de te fitter pour faire un poids de chasse. Un peu. C'est non, juste pour être en forme, c'est tout. Après, on sent mieux. Déjà, ça joue sur le moral aussi. Ah oui, aussi, carrément. Puis le sport m'a fait du bien aussi mentalement. C'est ça que je te dis. Tout mentalement. Mais c'est ça dont je te parle. Ah, c'est ça. Et t'as rencontré personne au sport? Non, parce que je le fais tout seul. Ah oui. En fait, il faut que tu provoques des situations où tu seras plus avec d'autres gens. Ouais, mais pour l'instant, je suis juste avec des amis et ça se passe très bien. Il n'a pas envie, Marie-Pierre. Il y a un truc que sa maman a dit, il a beaucoup d'amis. C'est ça qui me désespère. Il n'a pas envie. Pour moi, son cœur est vraiment fermé. C'est ça. Il peut. Alors, excuse-moi, c'est le célibataire. Il n'a que 30 ans. Hein. Moi, je suis resté célibataire très, très longtemps. Mais en fait, si t'es bien comme ça. Ouais, mais il y avait des raisons quand même. Je suis moche. Mais à part ça. Mais si t'es bien comme aussi, ça. Moi, j'étais bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Je me suis bien. Oui. Et moi, je ne me posais pas la question. Ah oui. Non. Et j'étais bien. Non. Non, mais il s'en foutait complètement. Mais vraiment. Et je grandissais même à 30 ans et tout. Et puis un jour. Ouais. Ça m'est tombé dessus, ouais. Mais je l'ai pas cherché. Et j'étais bien avant et pendant et après. J'ai découvert autre chose après. Toi, t'as été en couple longtemps. Il était bien aussi parce qu'il s'amusait beaucoup avec la vie. Ouais, c'est ça. Il s'amusait beaucoup comme un grand adolescent parce que ces métiers-là, parfois, on a l'impression qu'on vieillit pas. On s'amuse tout le temps. On est entouré de copains, de copines. La vie est belle. Et voilà, on pense pas à se dire tiens, je vais me mettre en couple et je vais m'arrêter d'être le gamin que je suis. Mais après, t'as vu ses horaires aussi. Oui. Il a aussi accepté Manu, une fille qui a accepté sa façon à l'époque, il faisait pas la matinale. Ah mais bon. Toi. Ne trouve pas l'erreur, excuse. Ta maman a dit quelque chose d'important. Tu as beaucoup d'amis. Ah oui. Donc, est-ce que cette période de célibat... D'ailleurs, il y a plein de traites derrière oui, la régie oui, oui, là, oui. Qui ont non, mais su que m'avait rappelé. Benjamin, c'est important. Est-ce que cette période, justement, tu as eu l'impression de, d'un seul coup, te dire, bon, allez, je mets les affaires de côté en termes d'amour, et puis je profite de mes copains, de mon métier qui me passionne. Bah, j'avais déjà tous mes copains à côté de moi. Après, c'est juste que non, je me suis mis sur d'autres objectifs qui sont pour l'instant pas forcément l'amour à proprement parler. Maintenant, c'est le marathon, bien, c'est le marathon, c'est soulever oui, de la fonte. Il y a des priorités dans la vie. Hein. Voilà. Ouais. Et puis, on verra quand ça reviendra. Mais en même temps, ta maman. Vous avez d'autres enfants, Marie-Pierre ? Oui, j'ai encore un garçon et une fille. Il y a du boulot avec tout le monde, tu vois. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va venir en son temps. En fait. Oui, mais est-ce qu'il faut laisser faire les choses ? Bah, c'est pas ma maman, elle peut juste allumer des cierges, mais non, elle peut faire des trucs, tu vois. Elle peut pas se mêler, appeler à une émission de radio. Je ne sais pas, c'est sûr, mais j'aimerais le voir profiter. Heureux, en fait, vous voudriez le voir heureux. Voilà. C'est ça. Et il a pas l'air malheureux, hein. Non, ça va. Non, là, gêné, là, actuellement très gêné. Hein. Pourquoi, attends, je vois pas ce qui te gêne. T'as ta mère qui t'appelle au téléphone à la radio. Vraiment, je vois alors, pas. Ce qu'on peut faire. Je sais qu'il va m'en vouloir, mais tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est non, ce qu'il faut pas lui en vouloir. Il faut comprendre que ta maman, elle est inquiète. En fait. Ça, je le sais. Voilà. Mais je pense que c'est comme pas mal de mamans. Après, il y a le mère poule. Voilà. Ah, bah, maman est très mère poule. Est-ce qu'elle pond des œufs ? C'est bien. Non. Bon, il y a beaucoup de gens dont les parents se foutent, tu sais quoi. Écoute, j'ai la chance d'avoir une maman se soucie beaucoup de ses enfants. Ah bah, c'est alors, super. Puisque tu es en recherche, tu sais, il y a des sites internet. Non, il n'est pas en recherche, justement. Pour l'instant, non. Elle est en recherche. C'est ma mère est en recherche pour moi. C'est ça. Non, moi, non, c'est pas vrai. J'allais passer une annonce pour toi. Hein, recherche, une grande fille blonde. Ah oui, c'est quoi ton type de femme ? En vrai, j'ai pas spécialement de donc, type brune de femme. Donc, brune ou blonde, c'est pas grave. Mais en fait, pour l'instant, j'y pense même pas. Et en vrai, c'est déjà plus le feeling avec la personne. Oui. J'ai pas de critères physiques, ça a toujours été voilà, prise de temps. Ouais. Et puis, la personne avec qui j'étais, on a été d'abord amis pendant 3 ans. Ah, tu vois ce que j'ai dit ? Et puis après, on s'est mis ensemble. Tu es pas forte ou quoi ? T'es méga forte. Merci. T'es la plus forte de toutes les fortes. Ouais, ça marche pas, je vais la réussir à me faire. Non, mais tu te rends compte ? Ça marche pas à tous les coups. Mais pour les personnalités comme ça, si. Ah oui, d'accord. Mais bien sûr. Karine, elle a des antennes. Mais oui, grave. Mais bien sûr, pour des gens comme ça, mais c'est ce qu'il faut qu'ils privilégient. Donc il faut que le jour où il sera décidé, ils privilégient des activités où il y a plusieurs personnes pour les rencontrer petit à petit, sans se dire je suis dans la séduction, parce qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Alors il faut que tu ailles voir des gens un club de bridge. C'est bien, c'est nul ça. Ah ouais, c'est nul, ouais. C'est vraiment nul, ils sont tellement nuls qu'à un moment ils font bon, on fait l'amour. Tu peux aller à la piscine, tu peux faire plein de choses, quoi. Maintenant, il a perdu 20 kilos, il passe mettre en maillot de bain pour commencer. Pourquoi pas, quoi. Il est beaucoup mieux. Ça reste des traces, on est d'accord. Ah, faut encore un petit peu. Voilà. Sculpter. Ouais, Karine, elle s'y connaît. Mais oui. Ouais, alors, Karine, je tiens à te rappeler parce qu'on m'envoie des messages que tu te fais les ongles en parlant. Oui. Et effectivement, nous sommes filmés sur YouTube. Bah, les gens apprécient beaucoup que tu fasses une petite manucure. Figurez-vous que j'ai fait beaucoup trop de semi-permanents d'affilée et j'ai les ongles des semi-permanents. Et j'ai les ongles maintenant qui se dépiotent, comme on dit, et je ne peux plus rien mettre. Et donc, je suis obligée de les limer tous les jours, sinon ils se déchirent. Très bien. Bon, alors écoutez, on a parlé de Benjamin et on a fait le tour de la question. Benjamin, voilà. On y croit. Ton temps. On se reparle dans un an. On se retrouve dans un an sur l'émission et on fera voir. Oui, très bien. Marie-Pierre, on va suivre ce dossier de près. Ouais. On l'a confié à Karine. Peut-être qu'éventuellement, il sera l'année prochaine avec une agricultrice. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? On ne sait jamais. Bah, c'est génial. C'est quoi les mamans comme ça ? Eh bien, bravo. Garde-la. C'est vrai. Ouais. Merci Marie-Pierre. Merci, quand même un petit peu gêné quand même. Non. Au revoir madame. Au revoir Marie-Pierre. Au revoir. Allez, dans un instant on aura Laure qui est en Gironde et elle aussi elle cherche l'amour et elle cherche du sérieux. Ah. Ouais, c'est pas évident. Il y en a de plus en plus. C'est vrai. Ils cherchent du sérieux. Ah mais en fait les gens ils supportent plus les applications etc. Ils trouvent que c'est de la boucherie et ils veulent plus et ils savent pas où rencontrer. Mais il y a beaucoup de personnes qui me contactent qui disent comment trouver l'amour sincère. Bah on va vous expliquer comment dans un instant. Et si vous avez des questions, bien sûr, c'est bien ce thème de l'amour. Vous voyez, ça marche bien. 01 850 90 600, c'est Radio Resto. Et on écoute les enfoirés aimer à perdre la raison. Spéciale dédicace à Benjamin. J'en perds la raison. Eh bien, on va soulever de la fonte. Allez, on y va. Aimer à perdre la raison. Aimer à non savoir que dire. à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saisons que par la douleur du parti. Que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. Et de leur nuit, ma nuit se fonde. Ensanglanté. Interprété par Karine Lemarchand, Les Enfoirés aimés à perdre la raison sur Radio Resto. Radio Resto, saison 5, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. 98 284. C'est incroyable. 98 284. On y est presque. Ah non, on avait dit quoi, 100 000 ou 150 000 Écoute, on va dire 100 000, on va dire 100 000 avant minuit. Mais il y a marqué 150 000. On peut, peut-être y aller. En tout cas, c'est complètement fou d'avoir autant de personnes qui se sont connectées sur radio.restoducœur.org pour un petit don ou un gros don. On ne sait pas. Hein, moi, je dis toujours qu'un petit don plus un petit don égale un gros don. Bien sûr. Parfois, c'est très émouvant d'ailleurs de voir que certaines personnes nous envoient 1, 2, 3 euros. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent parce qu'il y a Manu Lévy notamment. Tant pis. Eh oui. 01. À cause de moi, c'est que des 1 euro, ça que t'es en train de dire. Les gens qui ça se trouve, il y a 100 000 personnes qui ont donné 1 euro. Eh bien, bravo. Ouais, exactement. Alors, au 01 850 90 600, le numéro que vous pouvez composer quand vous voulez pour nous appeler, pour parler de ce que vous voulez, on a Laure. Laure, elle habite en Gironde. Et encore elle... Mais c'est marrant, on a tous les rigolo, gens du ça. Même coin, c'est ouais, génial. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour Laure. Bonjour Laure. Bonsoir, bonsoir Laurent, Manu et Karine. Eh ben bonsoir. Bonjour Laure, bonsoir. Alors, Laure, si tu cherches l'amour, c'est que peut-être tu l'as jamais vécu, le grand amour. Ah si. Ah. Justement, on aimerait retrouver ça, mais... Ah là là là. Alors qu'est-ce que c'est qu'un grand amour ? Tiens oui, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, est-ce que c'est pas celui qui fait le plus souffrir ? Oui, déjà. Ah bon, bah tu et vois. C'est celui qu'on n'oublie pas. Eh ben oui, mais pas pour cause. Voilà. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un grand amour, il faut qu'il soit terminé. Je pose des questions, moi je suis un peu candide. Non, tu peux vivre un grand amour. Non. Ah, ça peut être en cours. Bah oui. Plusieurs. Oui, et puis oui, moi je pense qu'on aime plusieurs fois, oui, mais. Donc le grand amour, c'est pas. De différentes manières. C'est pas forcément celui qui te fait souffrir. Non, mais quand on se souvient, tu vois, un jour en regardant le passé, souvent je me suis aperçue que les gens qui disaient ah, c'était mon grand amour, bah ça a fait souffrir, quoi, tu vois. D'accord. C'est quelque chose qui a réveillé en nous des passions et. Tu vois, quelque chose. Des blessures. Donc voilà, des blessures. À quel âge tu l'as vécu, ce grand amour, Laure ? Il n'y a pas longtemps. Ah, il y a quel âge, Laure ? Il y a 3 heures. Il y a 3 ans. On peut dire ton âge ? 46, oui. Ouais. Donc il y a 3 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 3 ans, c'est une personne qui avait un passé assez compliqué. On était à distance, donc ça plus ça a fait que l'histoire n'a pas duré dans le temps. On a toujours des contacts, mais bon, voilà. Il n'était pas libre ? C'était pas le bon timing, on va dire. D'accord. Mm-hmm. Et alors, pourquoi tu dis que c'était un grand amour? Parce que est-ce que vous avez déjà vécu une semaine ensemble? Oui. Ah, quand même. On a eu une relation à distance de plus de 2 ans. À distance? Non, mais tu le voyais combien de temps? Voilà. Bah, deux fois en 6 ans. Un week-end sur deux. Pendant les vacances, 3 semaines. Quand même. Semaine par là, oui. Ah ouais. D'accord. Vous étiez connu comment au départ? C'est Internet. Ah ouais. De rencontre. Ouais. Bah, ça marche, ça, Internet. Ça marche, oui. Maintenant, moi, j'en suis dégoûtée, mais parce que j'ai. Bon, ça, voilà, à 46 ans, quand on a un enfant, quand on n'a pas le temps de sortir, quand on a des couples d'amis qui sont en couple, déjà, c'est pas évident de faire des rencontres à cet âge-là. C'est vrai. Et puis, moi, je ne suis pas une fêtarde de base non plus, c'est ça. Faut le dire. Donc, non, pour aller. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une. Comme tu disais, Karine, tout à l'heure, dans une société de consommation sentimentale. Ah. Vraiment. Et c'est comme ça que je le ressens, même de par les sites. Parce qu'on peut remplacer quelqu'un demain, en fait. Et les gens, dès que l'histoire est finie, on se remet pas en question. On ne cherche pas. Voilà. Moi, je suis plutôt l'amour à l'ancienne. Hein, et ça, c'est très rare maintenant de trouver ça. Et BD, trompe-toi. Je te jure. Alors, c'est sûr que c'est pas les gens comme ça qui apparaissent le plus. C'est vrai. Mais en fait, il y a énormément d'hommes aussi, hein, parce qu'on a toujours tendance à penser que les femmes sont plus sérieuses que les hommes, et c'est pas vrai. Il y a énormément d'hommes, moi, qui me contactent et qui me disent « Je cherche une femme gentille, sincère. » Ils sont tombés autant sur des dingues que les filles sont tombées sur des tarés aussi. Oui. Mais sauf qu'ils savent pas comment faire. Où aller, effectivement, les boîtes de nuit, bonjour. Non. Au travail, c'est de plus en plus compliqué de rencontrer parce qu'on risque d'avoir des ennuis. C'est donc, c'est l'attitude des gens a changé aussi au travail. Et donc, en fait, les gens ne savent plus vraiment où se rencontrer. Et puis, le Covid qui est passé par là, pendant des mois, on s'est pas touché, on n'a pas dansé, on n'a pas eu les balles, on n'a pas eu les trucs. Il faut tout réapprendre, en fait. Et il faut créer des lieux de rencontre et les gens savent pas comment faire. Et donc, il y a une vraie solitude, hein. C'est vrai, hein. Ben, c'est vrai, t'as raison. Les balles, tu disais, bon, ça, c'est nos parents, voire grands-parents. Les discothèques, ça, c'est plutôt nous. Ouais. Il y en a encore quelques-unes. Ça a fermé énormément les boîtes. Il y en a énormément qui ont fermé. Le club de sport aussi, ça a fermé beaucoup. Donc, les bars, quoi, maintenant, c'est vrai que dans la culture des jeunes. Tu vas dans un bar, toi. Mais j'ai envie. Non, moi, je vais pas dans un bar. J'ai 46 ans comme Laure. si, c'est presque ça. Ben, oui. Il y a les bons chiffres, en tout cas, pas dans le bonheur. Non mais c'est vrai, regarde Laure, 46 ans. Tu habites une grande ville ou un peu isolée, Laure? Oui. T'habites Bordeaux? Bordeaux. Il y a plein de trucs à Bordeaux. Mais je sais pas. Où tu veux qu'elle aille? On parle des bars. Non mais c'est un truc maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de boîtes, mais il y a beaucoup de gens qui sortent dans les bars, mais pas. Oui, mais je pense que c'est pas. Enfin, quand on sort un peu en groupe aussi. Oui. Groupe, ouais, mais tu peux rencontrer les gens. C'est là où les gens viennent vers. Enfin, maintenant, on sait que quand on veut rencontrer quelqu'un, il faut aller sur un site. Maintenant, c'est un peu dans la mentalité des gens. Pour aborder quelqu'un, je trouve que bon, en étant un peu sorti de temps en temps, les gens ils s'abordent moins qu'avant, je trouve. Il y a une mentalité qui a changé sur ça. C'est vrai. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Karine? Karine Lemarchand. Les relations, elles durent pas beaucoup. Enfin, je trouve qu'on ne fait pas d'efforts comme on faisait avant pour rester avec la personne. Des fois, voilà, il y a des débats, il y a des défauts chez chacun, on n'est pas parfait. Mais il faut faire l'effort aussi, des fois, d'accepter l'autre comme il est. Et ça, je trouve que peu de gens, au final, arrive à faire ça. Maintenant, c'est tellement facile de rencontrer quelqu'un sur un site et de retrouver quelqu'un de suite que Voilà. En fait, il faudrait réapprendre aux gens à aimer, déjà qu'ils s'aiment eux-mêmes, et bon, oui. Voilà. Et y a un rabbin à New York qui dit, quand il fait des mariages et tout, il fait la préparation au mariage, il dit, avant d'aimer la mariée, il faut aimer le mariage. Et je trouve ça très juste, c'est-à-dire que si on se dit pas, je veux m'engager, je veux faire un couple, je sais que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des enfants, des ennuis, la routine, etc. Mais je suis amoureux de l'idée du couple que je veux former, parce que je veux que ça dure et je veux être heureux âgé avec quelqu'un qui sera mon compagnon ou ma compagne de vie. Oui. Bah là, tu fais aucun effort si t'es pas comme ça et ça ne peut pas durer en fait. Oui. Et donc il faut dès le début se dire ça va être compliqué. Et on est dans une société où on apprend tout, ou maintenant sur YouTube ou que sais-je encore, tu peux être formé en 6 mois pour faire n'importe quel métier, mais on n'apprend pas à aimer. C'est comme si c'était tout est basé sur la rencontre, et c'est ça la vraie problématique. Et d'ailleurs, quand on se sépare, souvent on dit ah, c'était pas la bonne, c'était pas le bon, j'ai pas rencontré la bonne personne, mais c'est pas ça l'histoire. Peut-être qu'il y a un problème effectivement avec la personne, mais en fait, tout ne repose pas sur le casting. Comment alors ? Tu as touché quelque chose dans le fait de dire il faut d'abord s'aimer soi-même, et ça c'est très important aussi, parce que il faut s'aimer soi-même, il faut avoir accepté son passé, il faut avoir fait le deuil de son passé, il faut avoir guéri certaines blessures, ouais. Parce que effectivement, si on n'est pas, on le dit, hein, si on n'est pas bien seul, ben on pourra pas être bien avec quelqu'un. Et ça, c'est beaucoup le problème, je trouve, qui touche les gens. Ils ont envie de rencontrer, mais ils sont pas guéris de leurs blessures. Ouais. Ils sont pas guéris et, de leur et est-ce que toi, tu as fait le deuil de cette belle histoire d'amour ? Bah oui, ce serait mentir si je disais oui. Mais quelque part, j'ai envie d'avancer et j'essaie d'avancer en laissant aussi le passé derrière moi et en me disant que bon, ben aujourd'hui, cette histoire n'est pas possible. Peut-être et tu ne crois pas que s'il était tout le temps, s'il était tout de suite disponible, s'il te disait machin, est-ce que tu l'aurais aimé autant ? Est-ce que tu ne crois pas que le manque et le fait de que ce soit compliqué et que ça te torde le bide et que tu voles des instants, ça ne participait pas non plus à cette histoire d'amour ? Ça peut. Ça peut, mais d'un autre côté, d'habitude, j'arrive à faire un deuil rapidement. Enfin, en tout cas, quand j'ai pas la personne, quand je la vois pas régulièrement, ou quand je l'ai pas au téléphone, le deuil il est plus facile à faire. Là, ça fait quand même 3 ans qu'on n'est plus ensemble. Le deuil, il est pas entièrement fait. Maintenant, j'essaie d'avancer dans ma vie et je laisse cette histoire au passé parce que je suis bien obligée d'avancer. Mais de toute façon, t'es si t'es libre et qu'il l'est pas, c'est tu passes ton chemin, c'est tout. Hein. Voilà. C'est même pas ton problème. Voilà. Non mais c'est comme ça. Manu, tu en penses quoi ? Oui, je pense qu'effectivement, je reçois des gens comme toi à mon cabinet régulièrement et je vois des couples qui viennent comme cela et je crois que Karine, dont je regarde les émissions, je suis très intéressante, vraiment est dans la vérité. Mais c'est une théorie que j'ai développée dans plusieurs de mes ouvrages et je trouve ça extrêmement intéressant et je pourrais vous parler comme ça, je pense, pendant 4 heures. Oui, c'est vrai. Sans rien dire. Non, mais c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, elle a la volonté, Laure. Ouais. Et elle sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Non, mais c'est surtout, est-ce qu'on s'aime suffisamment pour se dire qu'on ne doit pas dépendre de quelqu'un qui ne nous donne pas la place qu'on mérite ? Tu peux répéter. Est-ce qu'on s'aime suffisamment pour... Est-ce qu'on s'aime suffisamment soi-même ? Oui. Est-ce qu'on se donne suffisamment de valeur ? Oui. Pour se dire, mais en fait, cette personne ne me donne pas ma place, la place que je mérite, ouais. Donc je m'en vais. Ouais. C'est tout, quelles que soient ses raisons à lui. C'est vrai, Manu. Il te donnera pas ta place. Bien sûr, évidemment. Donc tu passes ton chemin parce que t'es quelqu'un qui est prêt à aimer, à être aimé, à donner tout. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses. S'il est pas disponible, c'est son histoire, mais c'est pas la tienne. Voilà. Donc next. Donc on essaie d'avancer, mais next. Effectivement, c'est compliqué. Mais qu'on essaie d'avancer sans se dire en le quittant, il va peut-être venir, parce que ça, c'est comme ça qu'on attend longtemps. Non, alors on a toujours un espoir. Mais après, l'espoir, il est derrière moi. On passe à autre chose. Voilà. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est effectivement plutôt la rencontre, de rencontrer l'autre. C'est très difficile. Eh oui. Oui, parce que 46 ans, forcément, hein, on a un passé, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on a des enfants, il faut composer avec tout ça. Oui. Et puis, je pense que aussi, c'est un âge où les personnes ont déjà eu une vie avant, et il y a beaucoup de personnes qui font une deuxième adolescence, j'ai l'impression, à cet âge-là, à peu près. Ah, là, tu parles des hommes, non ? Ils ne veulent pas forcément s'engager. La crise de milieu de vie, je le sais, j'ai envie de me tendre les cheveux en rouge en ce moment. T'as raison, c'est vrai. Voilà. Bon, bah alors, comme disait Karine tout à l'heure, il y a aussi, il faut les créer, ces moments où on rencontre d'autres personnes. Ah, ben moi, je réfléchis à ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Et bon, c'est vrai, on parlait tout à l'heure du sport. Tout de suite, tu as branché Benjamin. Benjamin et qui vient du sport tout seul, malheureusement. Ouais. Mais ça peut Mais il être... faut créer effectivement des espaces de vie où on peut rencontrer les gens. Ouais. Et surtout, rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et tu vois, bah toi, Laurent, qui est beaucoup dans les associations, etc., machin, c'est typiquement... je dis pas qu'il faut aller au Resto du Cœur pour rencontrer l'âme sœur. Non, mais t'as raison. Mais je pense que quand on a une sensibilité à l'autre, on peut pas être avec un con qui pense qu'à lui. Tu vois, ça marchera pas. Et de faire cette... comme Shannon, hein. Voilà, exactement. Exactement. C'est la référence. Non, mais faire de l'humanitaire ou en tout cas de l'associatif quand on a du cœur, c'est vraiment un moyen de rencontrer de bonnes personnes, ça c'est sûr. Et si t'es fan de country, bah va faire de la country. Quoi. Tu vois, il faut partager des choses avec les gens. Fais les deux, fais dans une association qui aide les gens à prendre la country. Non, mais vous savez que c'est extrêmement populaire. La country. Mais oui, Beyoncé a lancé la country. Eh ben tiens. Vous savez quoi pour fêter ça, voilà. Laure, on t'embrasse très fort. On te souhaite le meilleur. Ouais, ça va venir. Et rappelle-nous dans un an pour voir ce qui s'est passé, d'accord? Ok, merci. Au revoir, Laure. On t'embrasse. Bon, bisous. Eh ben, écoutez, dans un instant, on sera avec Tony. Mais si on Tony. Écrira à Laure, si les gens nous Ah oui, oui, oui. Si un mec bien, on sait jamais. Ouais, attends, on n'a pas demandé l'âge, tout ça, mais 45 ans, on va dire, qui est dans la région de Bordeaux. Et alors voilà, c'est à l'aveugle, hein, parce qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble, mais lui aussi ce serait à l'aveugle. Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous appeler Oui. Et Shannon prend le téléphone et on transmet. Ouais. D'accord, Shannon. Alors, 01 850 90 600. Vous êtes un homme, Laure a 46 ans, elle est du côté de Bordeaux, elle a des enfants. Elle aime la country. Sur les épaules. Non. C'est une femme géniale. Ouais, et elle a l'air chouette. Ouais, elle a une belle expérience de vie. Et ben voilà, si vous voulez ne serait-ce que lui parler. On lui confiera votre numéro. On ne vous donnera pas son numéro. On lui confiera votre numéro. Vôtre. D'accord. On ne sait jamais. Ça peut être trop bien. Ouais. Alors, Tony, lui, il est plus jeune. Il a 37 ans. Il est à Besançon. On va parler d'amour avec lui dans un instant. Mais j'ai une spéciale dédicace donc, pour la fan de country de Renavant qui est Beyoncé. On va l'écouter. C'est Crazy in Love sur Radio Resto. Ouais. Allez, 01 850 90 600. C'est génial. On parle d'amour ce soir grâce à vous et on continue à aider les Restos du Cœur. C'est Radio Resto. Merci d'être là. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. My friends so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Fitted shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart gets when I'm with you. But I still don't say just how you look and do it. No one else can. When the flow is loco, young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like the Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. off. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum, the game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. In Love, c'est Beyoncé sur Radio Resto. Radio Resto saison 5, ensemble. Ensemble. Pour financer le maximum de kits bébés. Oh là là, ça grimpe. 99 559 oh là là. Euros collectés. C'est dingue. Mais rafraîchis, il faut qu'on passe les 100 000 en direct. Alors rafraîchis, ça veut dire j'appuie là. 99 559 euros. J'avais déjà rafraîchi, Manu. Ah bah pardon, tu vois, me crie pas dessus. On va passer les 100 000 euros. On est là depuis 20 heures. En 2h30. Et on parle d'amour. Vous cherchez l'amour. Vous avez vécu le grand amour. On a besoin de vos expériences. Ou simplement de parler avec vous. On va peut-être vous aider. Karine Lemarchand est là. Vous savez qu'elle a marié. Combien? Tu sais, toi, le nombre de couples que tu as créé dans le monde agricole? On est bien à 120. Avec des enfants maintenant en plus. Plus de 90. Et t'as déjà marié d'autres personnes en dehors de l'émission? Genre dans la vie. Oui. Genre des amis. Elle est marieuse, ouais. Plein. Et tu sens le truc. Ouais. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu lui dis, lui, il va aller avec elle. Ouais. Ça matche bien, mais après, ça dure pas forcément. Ah, genre combien? Bah, 2 heures. Non, mais c'est vrai que j'en ai fait se rencontrer, ouais. Et puis, parce que je sentais que ça pouvait fonctionner. Après, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Laure. Les gens, ils font pas forcément les efforts pour que ça dure, hein. Mais ça marche. Pour elle, ça marche pas, mais pour elle, ça. Pour non, les autres, moi, ça marche. Oui, c'est vrai, ça marche. Mais si, bien sûr. Bon, alors justement, mesdames, messieurs, on va s'occuper maintenant de Tony. Il a 37 ans, il habite Besançon, c'est pas grave, déjà. Alors, Tony, qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire. Alors, Karine, il a besoin de toi. Je suis là. Bonjour, Tony. Je prends une voix pour dire Tony? Ça. Tony? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir, Tony. Mamie. Mamie le marchand, parce que bon, bah, maintenant, c'est ce que c'est. On l'a connue, elle était fraîche et pimpante. Et puis bon, bah, l'air des champs, hein, c'est ça. Bon, bah, ça l'a usé. Ah, bah, il y a beaucoup d'impesticides en France. Ouais. Quand même, elle va dans des régions où il y a beaucoup de pesticides et ça abîme. Il faut savoir que maintenant, bah, toutes les 2 minutes, 2 minutes 30, elle se lève pour aller faire pipi. Donc, Tony, t'as vraiment, là, t'as une fenêtre, elle vient d'y aller. Donc, tu sais qu'elle a un 6e orteil qui a poussé en 2 ans. Bon, bah, voilà. Au début, on s'est inquiété, mais au 3e, on s'est inquiété quand même. Non, bon, alors, Tony, il a un problème. Ah, vas-y, Tony. Vas-y, Tony, explique. En fait, je suis un grand passionné de handball parce qu'à Besançon, il faut savoir, c'est une terre de handball. Il y a 3 bonnes équipes de handball, 2 féminines et 1 masculine. Et c'est la ville de Victor Hugo, qui était d'ailleurs un grand handballeur. Ah, Victor oui. Hugo. Très, très bon joueur de handball. Oui, exactement. Alors que Corneille était plus volé. Pardon, pardon. Il y avait les frères Lumière aussi, hein, qui étaient c'est bons. Vrai. Ah oui, c'est vrai, les frères Lumière sont Besançonnais. Et donc Bisontin, s'il vous plaît. Et alors, vas-y. Et donc, ta passion du handball. Et en fait. Non, il n'y a pas de mal. Et en fait, c'est que. Il y a une fille dans les bénévoles dans l'équipe des garçons. Oui. Parce que je suis les 3 équipes. Je suis bénévole et supporter dans les 3 équipes. Très bien. Et dans l'équipe masculine, je suis simple bénévole, mais c'est vrai que j'ai rencontré une fille. Oui. Et qui me plaît, mais. Je sais pas comment lui parler. J'ai envie de dire, voilà. Bah, je lui parle tout le temps parce qu'on s'entend à merveille et tout. Mais c'est vrai que j'ai jamais osé franchir le pas de lui dire, ben voilà. Tu quoi, veux qu'on l'appelle? Ah non, non, non, non. mauvaise nouvelle, trop tard, on est en train de l'appeler. Non, non, non, non. Mais elle est célibataire? Elle est célibataire? Oui, oui, enfin, je pense qu'elle est célibataire, de ce que je sais, oui. Est-ce qu'elle est à peu près... Donc elle est dans tes âges? Qu'est-ce que c'est que cette question? Ouais, je... Il n'y a pas d'âge, tu peux très bien avoir 20 ou 30 ans de plus que... Regarde en ce moment ce qui se passe avec certaines stars. Ah oui, c'est vrai. Hein, ouais, je viens d'apprendre que Yannick Noah va être papa. Pour la sixième fois, avec une fille qui a 31 ans de moins que lui. Ah, dis donc. Tu vois? C'est dingue. Et Vincent Cassel aussi. Non, mais c'est pas à ce point-là, ça va. Ah, bah bon. Oui, puis il y a des femmes aussi qui sont plus âgées. Et oui, alors non, c'est plus rare deux, d'avoir 30, de faire un enfant avec 31 ans de plus que Yannick Noah, quand même. Oui, c'est oui, mais j'espère qu'elle n'a pas 31 ans que moins de, que moi, parce que j'aurais. Non, non. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, donc, pour l'instant, vous êtes dans la même génération, il n'y a pas de barrage, c'est pas. Exactement. Tu ne peux pas imaginer que c'est une femme mariée avec plusieurs enfants. Non, non. Bon. C'est juste qu'elle a, elle a la trentaine. Et alors, vous êtes copains? Ah oui, on s'entend merveille. Quand il y a des réunions, des matchs et tout, on rigole tout le temps, on plaisante tout le temps. Quand il y a des diffusions dans des bars ou quoi que ce soit, des matchs de Besançon, ben on essaie de... Oui, est-ce que tu lui as pas dit... Non mais là, tu me parles toujours d'un endroit... Tu la vois toujours en groupe, en fait, dans une... Tu vois, dans un truc voilà, de bénévolat. Je la vois jamais seule, c'est vrai. Ben pourquoi tu lui dis pas, tu voudrais pas boire un verre un jour tranquillement pour qu'on apprenne à se connaître? Mais c'est bien son problème, je crois. L'idée, justement, m'est déjà venue plus d'une fois, mais je suis un très, très, très, très, très, très grand timide. Ah ouais, Et il cherche à savoir comment faire. Voilà, parce que il faut savoir que dans mon enfance, malheureusement, surtout dans mon adolescence, j'étais, on va dire, tête de turc. Ah. Et la timidité est arrivée à cause de ça, et malheureusement, J'ai envie tout de dire, ça n'est pas simple. Est-ce qu'on peut écrire à quelqu'un comme ça qu'on aime? Moi, je ferais un texto, mais ouais. Quand, le problème, c'est quand on est timide, on a peur du rejet. Ah oui. Donc même un texto, c'est compliqué. Ça. Alors, c'est quoi? C'est Arthur qui m'avait sorti une phrase. Ah. Dans ce genre de truc, il me disait, tu as le nom déjà. Oui, c'est ça. Essaye-le, oui. Le nom, tu l'as. C'est-à-dire que dans ta tête, tu l'as. Si tu lui demandes quelque chose, elle va te dire non. Ok, tu l'as, le nom. Donc tu perds rien. Il a raison. Tu peux avoir le oui. Bah, si, le nom, tu l'as déjà. C'est une humiliation de plus que, quand t'es timide, que t'as peur du rejet. Un nom de plus, ça peut t'effondrer. Un. Oh, j'en ai eu quelques-uns. Y compris en rentrant en boîte de nuit. Non, monsieur, vous pouvez pas. Ah oui, mais ça, c'est parce que non, tu viens en basket. Toi, tu es drôle, t'as développé un truc. Ouais. T'es devenu drôle aussi pour ça. Oui, madame. Mais t'as raison. Mais évidemment. Mais quand t'as pas un physique, quand t'as pas un truc, faut développer autre chose. Et les vannes, c'est une façon aussi de faire en sorte que les gens te regardent. Elle aime bien plaisanter. Là-dessus, elle aime bien rigoler. Et toi, t'arrives à la faire rire? Ben, j'essaye, et puis bon, de temps en temps, j'y arrive. Oh, je connais bien le dicton là-dessus, mais bon... oui, c'est notre moitié, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Ça serait d'être courageux, effectivement. Mais là, faut oui. prendre, et de, effectivement, il a raison, dire, Manu. Allons boire un verre. Ah bon, ça peut durer ça peut durer des années. Ouais. Je vais te dire, j'ai connu un agriculteur qui m'avait raconté ça. Pendant plus de 10 ans, il était amoureux de sa voisine. Et il n'a jamais réussi à lui dire parce qu'il avait peur du rejet, trop timide, etc. Et puis un jour, elle a rencontré quelqu'un. Elle s'est mariée. Elle a fait un mauvais mariage. Lui, il était effondré parce qu'il la voyait tout le temps. Ouais. Il l'a vue avec son mari, il l'a vue avec ses enfants. Les enfants ont grandi, etc. Et puis. Il attendait, lui? Il n'attendait plus, mais il s'en voulait à mort. De ne pas y être allé. De ne pas y être allé. Et puis un jour, ils ont eu une discussion comme ça parce qu'il a compris qu'ils étaient en train de se séparer avec son mari. Et il a osé lui dire, il lui dit, mais tu sais, moi, je n'ai jamais osé te dire, mais tu me plaisais énormément. Elle lui a dit, mais moi aussi, pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Oh là là. Mais imagine l'horreur. En fait, personne n'a chopé les signes de l'autre dans l'histoire. Il n'y avait pas de signes. Zéro signe de l'un et de l'autre côté. Parce que peur du rejet, et c'était, on passait un bon moment. Bah salut, à bientôt, voilà. Je vous interromps, on a dépassé le cap des 100 000 euros. Et bravo. 100 329 euros collectés, c'est extraordinaire, formidable. Bravo. Et tout ça grâce à vous qui nous écoutez. Peut-être certains ont eu le courage, comme Tony, de nous appeler pour confier une belle histoire. En tout cas, Tony, si tu veux pas être comme cet agriculteur, il a raison, Manu. Mais non, mais au moins, il n'y aura pas de regrets. Eh ben, tu sais quoi, tu vas. Si elle te dit non pour boire un verre, c'est pas très grave, tu pleureras un bon coup dans ton lit et au moins, tu vas passer à quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, c'est sûr. Ça te donnera la liberté. Oui, mais bon. Ça m'embêterait de passer à autre. Enfin, non, mais Oui, mais si elle te dit, j'ai pas envie de boire un verre en tête à tête avec toi, je te considère que comme un ami, bon, ben voilà, c'est fait. Ah oui, non, mais j'ai peut-être qu'elle te dira oui. Mais peut-être qu'elle te dira oui avec plaisir pour boire un verre. Mais dis-toi que t'es pas le seul dans cette situation. Ah oui, non. Je pense qu'on a tous. Ah bah non, j'imagine. Non, mais on a tous été dans cette situation. Moi aussi. Et peut-être qu'elle aussi. Ben, c'est sûr. Et peut-être qu'elle, en ce moment, elle appelle une autre radio. Et lui donne les mêmes conseils. Donc à un moment, on y va maintenant, au boulot. Bon voilà, je sais Tony. Pas, en train d'appeler vos collègues d'énergie, Manu. Bon, en tout cas, Tony, en parlant d'autre chose, merci de nous écouter. Radio Resto, c'est la première année que tu entends, que tu écoutes, que tu suis. Oh, ça, pour être honnête, ça fait déjà 2-3 ans. Ah, très bien. Et bah, cool. 2-3 années que je suis cette merveilleuse radio. Ah bah génial. Bah, tu sais, tu fais partie de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, sont nos ambassadeurs. Ça dure 48 heures, c'est jusqu'à dimanche 20h. N'hésite pas à en parler autour de toi. On a besoin de tout le monde. On a besoin même d'un petit coup de fil, même gratuitement. C'est pas obligatoirement. C'est un appel au don, bien sûr, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et continue à parler de nous pendant tout le week-end et surtout dis-leur. Avec un grand plaisir. Hein, franchement. Et puis vas-y. Et tu nous rappelles dans un an si t'as osé, ok? Avec un grand plaisir. Et vive le handball. Je vous invite, Karine. Avec grand plaisir. Elle sera là. Merci, c'est Tony. C'est ma troisième fois, moi. Au revoir. Au revoir, Tony. Allez. Au revoir, Tony, on t'embrasse. Vous cherchez l'amour, vous avez envie de nous parler d'une histoire d'amour, de belles choses, un coup de foudre ou d'une rupture également qui s'est bien passée ou mal. Allez, on y va comme ça. Et puis si vous avez besoin de conseils, profitez-en parce que Karine Lemarchand, elle connaît. Elle a le pif. Elle a le truc. Elle peut vous aider. Votre vie va changer si vous composez le 01 850 90 600. Et on a dépassé le cap des 100 590 euros. Ça n'arrête pas de grimper. Tiens, je vous dédie à tous ceux qui ont déjà donné, même un tout petit don, Mon amour de Slimane. C'est une chanson et c'est sur Radio Resto. Et tout de suite après, on parle avec vous. 01 850 90 600. Dis-moi à quoi tu penses. Si tout ça a un sens, désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène. C'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu. L'impossible si tu le veux. tribu. 06 21 31 89 00. Slimane, mon amour, ça tombe bien ce soir. On parle d'amour sur Radio Resto. Radio Resto, saison 5. Alors, on a donné un numéro de téléphone au standard, je crois que l'on va rappeler. Je vous rappelle que nous sommes là aussi pour aider, soutenir, surtout, d'ailleurs on est là que pour ça, soutenir les Restos du Cœur, si vous nous retrouvez là à 22h49 parce qu'à la télé il n'y a plus rien. Oh non, il doit y avoir encore, à mon avis, c'est pas fini. On est ensemble jusqu'à minuit, c'est ce qu'on appelle de la radio libre, c'est ce qu'on appelle de la libre antenne. Autour de cette table, Manu Lévy que vous connaissez, qui vous réveille le matin sur Énergie. Karine Lemarchand, qui vous donne rendez-vous, notamment tous les lundis. Ça finit quand c'est quand le bilan? Ça y est, je viens de le tourner, oui, moi. Mais c'est quand? Ah, bah, c'est les derniers épisodes. Là, on est dans les derniers épisodes. Ah, bah, on est dans les derniers épisodes. Non, on n'est pas dans les... Le bilan, c'est les derniers épisodes. Ouais. Donc, vous les verrez à la fin de la saison. D'accord, très donc, bien. Donc, fin de l'année, quoi. D'accord. J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. C'est un peu comme Koh-Lanta. Ah, bah, on tourne tout le temps, il y a toujours. Bah, oui. Bah, on a quand même dit. Bah, il n'y a que 52 semaines, hein, c'est ça, on est d'accord? Oui. Maintenant, les portraits, c'est sur 3 semaines. Mmh. Et puis après, effectivement, j'ai bien 15 ou 16 épisodes. Oui, ça fait quand même 18 ou 19 épisodes sur 52, c'est beaucoup. Tu as raison. On a envie de savoir, tu vois, comment il s'appelle, le Valentin, le petit jeune Valentin, c'est ça? Ah, ou Valentin. Est-ce que Valentin va choisir une des deux filles magnifiques qu'il a choisies, qui sont, mais il est 50-50. À chaque fois, il dit 50-50. Ça m'énerve, il m'énerve. Non, ça, c'est Ludovic. Ah, c'est Ludovic. Il m'énerve. 50-50. Il m'énerve. Ah, il m'énerve depuis le début. Non, Valentin. C'est plus simple dans Koh-Lanta. Il s'élimine en faisant des défis, c'est quand même plus drôle. C'est vrai. Le numéro a été composé. Alors, est-ce que. Alors, je vois le numéro de quelqu'un qui nous a appelé au 0 1 850 90 600. Si vous nous rejoignez ce soir, on parle d'amour, vous cherchez l'amour et vous hésitez sur quelqu'un, vous avez des questions à poser à Karine Lemarchand qui s'y connaît en amour, je peux vous le dire, elle en a marié des gens. Bonjour. Ah non, c'est Yanis. Yanis, on l'a déjà vu. C'est Yanis? Non. Non. Ah, c'est qui? Allô? C'est Fanfan. Oui, c'est Fanfan. Ah, bonjour Fanfan. Alors, bonjour à tous. Comment ça va? Alors Fanfan, j'arrive pas à la rencontrer. Mais c'est pas faute de se tourner autour. Hein. Alors, dis-nous qui est Fanfan. Alors, en 2020, il y a eu le Covid. Oui. D'accord. Vous en souvenez? Vaguement. Ouais. Et moi, je me disais, moi j'étais en famille, j'avais loué une maison et tout ça, et je me disais, là, les gens qui sont célibataires, qui se sentent seuls et tout ça, ça doit être vraiment super dur. Je vais essayer de les faire se connecter. Et tous les soirs, je prenais ma voiture, parce que ça passait pas, il n'y a pas le wifi là où j'étais, j'allais au village et je me connectais sur mon téléphone, sur Instagram, je prenais au hasard des personnes qui étaient célibataires et ça s'appelait le Live Love. Et tous les jours, mais on a eu des centaines de milliers de personnes qui suivaient, c'était un très grand succès, tous les jours à 19h, je faisais pendant une heure, puis ça débordait tout le temps, des portraits au hasard des gens sans savoir qui c'était, ils se connectaient, on voyait leur visage, okay. ils nous donnaient leur portrait. Et à la fin du portrait, donc je les interrogeais sur ce qu'ils avaient vécu, je donnais leur compte Instagram. Et puis ceux qui regardaient le Live Love avaient la possibilité de connecter cette personne en message privé ou pas. Et il y en a eu. Et j'ai fait des couples. Il y a eu des couples. Ah, et notamment Fanfan. Ah, Fanfan, elle est en couple. Elle est en couple grâce au Live Love. Ah, raconte-nous, Fanfan. Grâce au Live. Ah, c'est génial. Ouais, alors moi, je suis tombée assez par hasard, en fait, sur Insta, sur le Live. Donc j'ai vu passer le portrait de Ludo. Qui n'était pas de ta région du tout? Non, parce que moi je suis en Normandie, je suis dans le Perche, et Ludo était en région parisienne. Mmh. Et donc pendant le confinement, pas le droit de circuler normalement. Hein. Et donc, j'ai quand même pas été la seule femme à le contacter. Et puis bah j'ai fait un peu de j'étais un peu lourdingue je pense quand même. Mais pourquoi il te plaisait alors? Parce que ça durait quoi, 10-15 minutes mes portraits à peu près, hein. Ouais, mais franchement je l'ai trouvé sympa, j'ai trouvé le concept aussi assez sympa, sens où voilà, tu voyais les gens, il y avait un échange avec toi qui voilà, qui était quand même assez sincère, enfin bon, il y a eu un peu tout quand même. Ouais. Ah bon, on savait pas sur quoi on allait tomber en plus. C'est ça. Et puis, bon, allez, je me suis lancée. J'ai dit, bah, il me paraît sympa. Donc, bah, j'y vais. Je lui envoie un petit message. Et puis, bah, ouais, j'ai un petit peu insisté en disant, bah, voilà, moi, je recherche quand même une relation sérieuse. Parce que ça fait plus trop partie de l'état actuel des choses. C'est quand même plutôt, voilà, l'histoire d'un soir. Et puis, bah, il était sur le même trip quand même. Ouais. Et il est venu me rencontrer le 1er mai 2020, pendant, wow. Pendant le confinement. Mais comment vous... il a fait, il s'est inventé un truc. Il n'a pas été contrôlé, surtout. C'est génial. Il y avait des attestations, il a mis quoi? Vais choper l'amour. Ouais, c'est presque ça. Et puis, depuis, voilà, ça fait 4 ans. C'est super. Ah, mais ils font des photos trop mignonnes. Juste un truc, vous habitiez loin l'un de l'autre? Perche et Paris. Ah ouais, ouais. Oh non, ça va. C'est une heure et demie. Là, il est sur la route, il arrive là dans... Alors, je lui ai envoyé un message. Quand ah mais vous habitez toujours, vous n'êtes toujours pas ensemble? Ouais, en fait, pour l'instant, il n'a pas réussi à avoir de mutation. Donc, bah, on vit essentiellement les vacances et le week-end ensemble, tous les week-ends ensemble. Bah, pourquoi pas. Voilà, quoi. Il fait quoi, lui, comme travail? Alors lui, il est conseiller pro à la Poste. Mm-hmm. Oui, mais comme boulot, comme travail. Et toi, tu fais quoi? Et moi, je suis aide-soignante en hospitalisation à domicile. Ah ouais, ouais c'est pas ça. Et tu voudrais pas aller habiter à Paris, non? Non, ouais, non, je comprends. Trop bien à la campagne. Ouais. Non, c'est clair que... Bon, écoute, s'ils ont trouvé leur équilibre comme ça. Ah non, je te jure, leur compte, il fait plaisir. Ils se font des balades de fous. Ils recueillent des animaux de Roumanie en suivant leur compte. Ah, j'ai découvert ça. Ils recueillent des chiens, tu sais, abandonnés, notre ami commun. Tu sens qu'ils sont complètement sur la même longueur d'onde. Ah, c'est chouette. Le petit chien, en plus, t'avais pris un petit chat qui était un peu paralysé, je crois. Ouais, ma chienne, c'est d'une tripate. Elle a été trouvée blessée en Roumanie et j'ai eu pitié d'elle. Enfin, je l'ai adoptée. Et elle est top. Et non, elle est franchement top. Voilà. Et donc, ça donne envie de... Voilà. Ça, c'est un petit couple qui va super bien. Donc, il faut qu'on trouve vraiment l'occasion de se rencontrer. Ouais, ça me ferait super plaisir. Bah, moi aussi. Là, je pense que Ludo va avoir la rage de ne pas être encore... Mais il pourra regarder le replay. Bah comme quoi, on disait tout à l'heure que tous ces comptes, tous ces outils d'aujourd'hui pour se rencontrer, bon, bah, c'est pas ça. Mais en fait, là, il y avait de l'humain. Parce que t'étais là aussi. Il y avait de l'humain. Et puis, il y avait toi. Et il y avait toi qui faisait que le dialogue s'instaurait et qu'on apprenait un petit peu plus sur les gens. Exactement. Bon, bah, c'est génial, ça fonctionne. Je suis trop contente. Merci, Fanfan, d'avoir accepté de nous rejoindre à cette heure tardive. Ouais, mais c'était super. Enfin, et t'embrasse Ludo très fort et j'espère vraiment qu'on va réussir à se rencontrer. Bon. Ouais, j'espère aussi. Plein de bisous. Gros à bisous. Merci Fanfan. Bisous. Karine, Yanis, lui, il a 20 ans, il habite Montluçon et il veut absolument des conseils pour équilibrer sa vie privée, professionnelle, amoureuse. C'est compliqué. On va l'avoir juste après 23h. On va laisser Manu aller se coucher parce qu'il se lève très tôt dans la vie. Ah oui, mon Manu s'est levé à 4h du matin. Ouais, à tout moment, je peux tomber par terre. Donc, autant que je tombe par terre dans la rue plutôt qu'ici. Écoute, ça va vous gêner. Voilà, si vous avez envie d'écouter Radio Resto, il sera là demain. Dis-nous à quelle heure. Demain, midi 14h avec Arthur et des surprises. Mais on ne connaît pas les surprises. C'est Laurent qui va nous apporter les surprises. Demain. Donc on ne sait pas. Et Arthur ne sait absolument pas les surprises que Manu lui a préparées également. Et puis demain soir, 22h minuit, avec aussi Laurent. Tu fais les deux et Bruno Guillon. Ouais, mais ça, c'est notre tradition. Là, à chaque saison. Ouais, qui s'appelle le plan à trois. Le plan à trois. C'est courageux. Hein. 22h minuit, demain soir. Surtout pour moi. Merci Manu. Va vite te coucher et à demain. Gros bisous. Radio Resto Lé, bientôt 23h. Continuez à nous appeler. On peut parler d'amour et de ce que vous voulez. C'est vraiment un moment sympathique qu'on partage. Le numéro de téléphone, n'hésitez pas, c'est le 01 850 90 600. Elle aime parler d'amour. Karine Le Marchand nous fait le plaisir de rester avec nous jusqu'à minuit et on a dépassé, puisqu'on est là surtout pour soutenir les Restos du Cœur, le cap des 100 000 euros. On est à 100 920 euros collectés ce soir grâce à vous. Merci. Allez, place à la musique. You Can Hurry Love, encore de l'amour, et c'est Phil Collins sur Radio Resto, juste avant 23h. Merci. Salut Manu. It's a game of giving. You Can't Hurry Love, c'est Phil Collins. Vous écoutez Radio Resto. Il est 23h et tout de suite, les 3 minutes d'info réalisées, un sujet par les étudiants d'Igencia. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Du cœur à moins de 25 ans. Au centre de Givors, de plus en plus de jeunes se rendent aux distributions. Mais comment les Restos du cœur s'adaptent-ils au nouveau profil de ses bénéficiaires ? Reportage de Cassandra Madurera, ISCP à Lyon. Ce matin, la file d'attente pour la distribution ne cesse d'augmenter. Amir le sait, il ne sera pas servi de suite. Bosnien de 23 ans, cela fait 2 semaines qu'il est accueilli au centre de Givors. Démuni, le jeune menuisier n'aurait jamais pensé en arriver là. J'ai resté sans ressources, j'ai cherché pour demander de rester cœur, pour les sommes acceptées gentiment. Dans un des plus gros centres de la région lyonnaise, une centaine de bénéficiaires sont comme Amir, jeunes migrants en recherche d'emploi, en insertion professionnelle ou encore étudiants, tous sont accueillis ici, un chiffre 2 fois plus important qu'en 2022 et qui nécessite donc des mesures particulières pour s'adapter. René, co-responsable du centre, nous explique. Le Resto du Cœur du département sur Lyon a ouvert tout de suite un centre des restos spécial pour les jeunes, pour les étudiants. Il y a eu une distribution spécifique, bon, avec les universités, avec tout ce qui est au niveau étudiant. Un créneau horaire de distribution a donc spécialement été mis en place pour les étudiants afin de s'adapter à leurs emplois du temps. Une aide qui permet donc à tous de bénéficier des Restos du Cœur. A noter qu'en 2021, parmi les personnes âgées de 16 ans et plus, 45% étaient en recherche d'emploi. Et merci pour tous ces sujets aux élèves de Igencia qui nous accueillent cette année encore pour la 5e édition de Radio Resto. Radio Resto, saison 5, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Allez, vous tombez peut-être par hasard sur ces sons, sur mais ce bruit. Ça. Et ben voilà, ça s'appelle Radio Resto, c'est une radio éphémère, ça ne dure que 48 heures tous les ans. Au profit des Restos du Cœur, voilà, il faut faire un don, il faut soutenir les Restos du Cœur. Nous, on s'est mobilisés. Quand je dis nous, c'est à peu près une cinquantaine d'animateurs, animatrices de radio, parce que les Restos du Cœur sont nés grâce à un appel sur une radio. C'était en 85, c'était Coluche. Donc le monde de la radio se mobilise une fois par an pour soutenir différentes causes. Cette année, c'est la petite enfance. Beaucoup d'enfants sont accueillis au Resto du Cœur. 120 000 bébés de 0 à 3 ans ont été accueillis en 2023. 126 000, pardon. Ouais. 126 000 bébés de 0 à 3 ans. Tu te rends compte ? La précarité alimentaire, c'est un risque majeur pour les tout-petits. Vous le savez, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté en France. Il faut 6 générations pour casser la reproduction de la pauvreté. 6 générations, ouais, absolument. 6 générations. Ouais, 6 générations. Il n'y a plus du tout d'ascenseur social alors. Ah, très peu, c'est lent. Alors vos dons, à quoi ils servent ? Eh ben, ils servent par exemple un don de 100 euros, qui correspond à 25 euros finalement après réduction fiscale, correspond à l'accompagnement d'un enfant, d'un bébé pendant 3 mois. C'est super. Voilà. On en est à effectivement 100 000 euros. Oui, c'est aussi les euros. Couches, hein. C'est pas que les petits couches, pots. Couches, hein. Les petits pots. Et tout, ouais. Et puis bien sûr, il y a le soutien moral aux mamans, aux papas qui viennent, plus les vêtements, tout ce qu'il faut pour qu'un enfant ait chaud en hiver, et puis qu'il mène une petite enfance et une enfance la plus normale joyeuse. Possible. Exactement. Ouais. 100 000, plus de 100 000 euros. 100 952 euros collectés depuis le début de Radio Resto, 5e édition. Et alors donc, on a un numéro de téléphone qu'on vous confie, parce que là, je suis avec Karine Lemarchand, Manu Lévy était avec nous il y a quelques instants. Ce numéro de téléphone, vous pouvez le composer vraiment si vous avez envie de nous parler des Restos du Cœur, si vous êtes bénévole, si vous avez été bénévole, mais on peut parler aussi d'autres sujets, comme l'amour. Alors, c'est le 01 850 90 600. Et on a Yanis. Yanis, il habite Montluçon, il est tout jeune, il a 20 ans. Bonjour Yanis. Allô ? Allô Yanis ? Ah, salut Yanis. Bonjour Yanis, ça va ? Allô ? C'est bien et vous ? Ouais, ça va bien. Ouais. Alors, de quoi tu voulais parler ? Oui, parce que ça coupe un petit peu, c'est vrai que ça passe pas très très bien. Mais t'as pas une voix de 20 ans, t'as pas 20 ans. Si ? Ah si, j'ai 20 ans, pourquoi on pense que j'ai moins ou que j'ai plus ? Plus ? T'as une voix super mature. Ah bon ? Eh ben ça me fait plaisir, merci beaucoup Karine. Mais qu'est-ce qui se passe alors dans ta vie ? Tu fais quoi 20 ans ? Ah oui, tiens. Tu fais des études ou tu travailles ? Alors, j'étais en études à Clermont-Ferrand, en études de sciences de l'éducation, mais je rentre en école de gendarmerie, justement. Ça, c'est marrant, ce changement de direction. Et comment, qu'est-ce qui t'a fait changer ? Eh bien, en fait, c'est que j'avais déjà un pied dedans avec la réserve de la gendarmerie, du coup. Et du coup, après, ça m'a fait bien envie de continuer dedans. Et du coup, on y va, quoi. Mais t'as des gens dans ta famille qui en font ? Qui sont réservistes ? Alors, dans ma famille, non, pas spécialement, mais j'ai des amis, quoi. Ah ouais. D'accord. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. Au moins, t'as trouvé une voie, quoi. Un métier qui peut te passionner. Et c'est quoi le problème ? Parce que là, ce soir, on parle d'amour. On peut parler de ce qu'on veut. On peut parler de la gendarmerie, hein, si tu veux. Mais c'est quoi la petite question que tu voulais poser à Karine ? Oh là, j'ai eu un bruit là. La question que j'avais. Mmh. Alors du coup, la question que j'avais. Alors déjà deux petites choses. Je voulais dire quelque chose. J'ai ma meilleure amie qui a rencontré sa copine grâce à Karine. Comment ça se fait ? Raconte. Non mais ça c'est trop drôle en fait. Je raconte vite fait. Hein. Je fais vite. Non, t'as le temps. On est là jusqu'à minuit. Ouais. J'ai le temps. Bon, ça marche. Alors en fait, elles sont dans la même fac. Mmh. Et il se trouve que moi, avec ma meilleure amie, on avait un rituel, c'est de regarder L'Amour est dans le Pré tous les lundis l'an dernier. On allait l'un chez l'autre et c'était soirée Amour est dans le Pré. Mmh. On adore ça. Mmh. Okay. Et en fait, il se trouve que toutes les deux, elles devaient regarder l'émission. Et en fait, ma meilleure amie vous avait mis en fond d'écran. Et du coup, pour voir si l'autre allait réagir, elle vous a mis aussi en fond d'écran, et c'est comme ça qu'elles ont commencé. Mais sur Instagram? En parlant, justement, qu'elle regardait L'Amour est dans le Pré, etc. Je comprends pas. Sur Instagram? Comment elle se parlait en vidéo? Non, elle se parlait, enfin, dans la fac, en fait, elles sont allées. Ah, le fond d'écran de l'ordinateur? Oui, exactement. Oh, je te crois pas! C'est trop drôle. Si, c'est excellent. Ah ouais. Ah mais c'est trop bien. Et elles sont ensemble. Oui, elles sont ensemble. Elles s'appellent Héloïse et Nina. Ah ben d'abord, je les embrasse très fort. C'est trop sympa. Tu vois, tu crées même des couples sans le faire exprès. Mais je pensais pas que ma tronche était en fond d'écran. Ça c'est excellent. C'est trop excellent. Drôle. Bon alors, écoute, pour elles, ça marche bien. Mais et toi? Comment? Et toi alors dans tout ça? Où t'en es? Et moi, dans tout ça, pour le moment, j'ai personne. Ah. Ouais, mais bon, il y a 20 ans. Pour le moment, j'ai personne. En fait, j'étais avec une fille avec qui ça se passait bien, mais c'était un peu compliqué. Moi, j'aimais beaucoup bouger. Elle, un peu moins, très casanière. Du coup, ça s'est pas très bien fini, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien bouger avec mes amis et elle voulait pas bouger. Mmh. Du coup, moi, j'en profitais avec mes amis, mais du coup, elle, tant pis, quoi. Elle a pas voulu bouger. Ah ouais, si les casanières à cet âge-là, si c'est mort dans 10 ans, c'est terrible. Hein. C'est ça, quoi. Ouais. C'est ça le truc. C'est ça. Donc, du coup, moi, j'aimais bien bouger, mais bon, on me reprochait de bouger avec des amis. Et donc, quand on n'a pas envie de bouger avec moi, je bouge. Oui, vous l'aurez dû accepter, les bêtes. Exactement. Moi, je trouve ça bien d'avoir des univers aussi un peu parallèles dans le couple. On n'est pas toujours obligé d'être ensemble. Hein. Mais bien sûr, exactement. Ouais. Mais bien sûr. Donc du coup, Yanis, je ne sais pas à quoi ressemble ta vie, mais est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir assez de temps pour aller rencontrer d'autres? T'en es où par rapport à ça? En fait, c'est-à-dire que du coup, je fais tellement de choses à la journée ou même à la semaine, que du coup, en fait, mon équilibre entre ce que je peux faire à côté et mes amis, du coup, en fait, il est nickel dans le sens où je suis tout le temps occupé, mais du coup, je prends pas le temps. Il n'y a pas la place. Voilà, exactement. Oui, ouais, mais la phrase, si tu rencontres quelqu'un qui te correspond. Mais oui, c'est sûr. Non, puis comme dit Karine, puisque toi, apparemment, tu sors, tu vois des gens, tu as des amis, tu rencontres d'autres gens, t'es pas enfermé chez toi, donc ça viendra. T'as 20 ans. Oui, il a 20 ans. Oui, j'ai 20 ans, mais bien sûr. Est-ce qu'il faut aussi se poser à 20 ans, quoi? Il y a des gens qui ont envie, hein. C'est bien de profiter un peu, hein. Je sais pas. Oui. Pour savoir ce qu'on veut pas, faut quand même tenter des choses, tu vois. Enfin, moi, je pense. Il n'y a pas urgence. C'est sûr. Faut tenter des choses, faut innover, etc. Mais bon, il y a des fois, moi, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, quand qu'on regarde ses amis autour de soi, etc., et que beaucoup sont en couple, c'est vrai qu'il y a des questions aussi, quoi. Oh, à 20 ans, ils sont déjà en couple. Bah, nous, c'était pas comme ça de notre temps. Ah non, de notre temps, c'était pas comme ça. On profitait. Nous, on profitait. On voulait explorer, voyager, s'amuser. Coucher. On voulait partir en moto sans casque. Voilà. Enfin, c'était la liberté. On voulait fumer au cinéma, dans le train et dans l'avion. Oui, on avait le droit de faire tout ça. On avait le droit de faire tout ça. Et puis alors fumer après, du jour au lendemain, fini, plus rien, fini, au revoir, on ferme tout ça à clé. Allez, démerdez-vous maintenant. Oh là, il y a des bruits, c'est trop. C'est vrai que quand même... C'était, vous avez vécu une belle époque. Quand je vois mes enfin, parents, on a eu le sida aussi. Hein, oui, excuse-moi, la belle époque. Ouais, la alors belle là, époque. Je t'arrête tout de suite. Moi, non, détrompe-toi. Ah non, c'était horrible. Non. Parce que là, je te disais que c'était rigolo à un moment donné, mais un jour, il y a un truc qui est arrivé dans la vie de toute cette génération qui s'appelle le sida. Et là, ça en termes de relations, ça t'a calmé. On ferme tout. Allez hop, au revoir. Pensez à autre chose. Mettez-vous à la lecture. Oui, parce qu'on a tous eu des copains qui sont morts. Hein, je voilà. Dire. Donc, c'était pas mieux avant. Hein. Non, mais il y a des deux. Enfin bon, en tout cas, c'est vrai quand même qu'il faut explorer parce que d'abord, il faut connaître son corps, il faut connaître ce qu'on veut, quel schéma de couple on a envie de vivre et tout ça. Et je pense qu'il faut prendre son temps. Voilà. Voilà, donc profite de la vie, Yanis. Ah oui, en plus, t'as l'air mature. D'accord. Ouais. Et puis, bah. Ça me fait plaisir. De toute façon, il est tellement à l'aise quand il s'exprime que je pense qu'en plus, il n'a pas de problème à choper, lui. Non. Bon, bah voilà. Alors, si vous voulez rencontrer. Bah, alors, il habite Montluçon. Il habite Montluçon, il s'appelle Yanis. Oh là là. Si vous voulez son numéro de téléphone, on ne vous le donnera pas. Mais si vous voulez avoir des nouvelles de Yanis, on peut lui donner votre numéro de téléphone. Alors voilà, si vous êtes une fille sympa, pas très loin de Montluçon, qui allait laisser tranquille avec ses copains, et vous avez une vie riche de votre côté, vous voulez partager de temps en temps des choses avec un mec sympa, et puis on verra plus tard, et ben voilà, vous pouvez nous appeler. Hein, c'est pas mal ça. Ça te bat ? Hein ? Ça lui va. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci Yanis, bonne soirée on à toi. Merci de nous écouter. 01. Bonne soirée, merci beaucoup. 01 850 90. Ouais, c'est marrant. Ouais. Je répète, 01 850 90 600. Voilà, c'est le numéro de téléphone de Radio Resto. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à dimanche 20h pour nous soutenir, pour vous dire ce que vous attendez également de Radio Resto pendant ces 48 heures, qui vous avez envie d'entendre. Bah, je vous ferai la surprise, demain il y a tout un tas d'animateurs et d'animatrices qui vont venir se rencontrer. Évidemment il y aura Bruno Guillon et Manu Lévy, puisqu'avec Manu et Bruno, c'est nous qui avons eu cette idée dingue et que l'on a proposé au Resto du Cœur, et depuis les Restos du Cœur nous accompagnent évidemment pour réaliser ces 48 heures d'émission. Dans un instant on aura Marion qui a 24 ans, il cherche à récupérer son ex. Oh là là là. C'est bien, c'est mon bien. Dieu, ben c'est bien. L'amitié, c'est les enfoirés, tout de suite sur Radio Resto. Allez, appelez-nous, on a envie de vous entendre jusqu'à minuit. On va pas se coucher, c'est tellement rigolo. Allez, on se parle d'amour, de ce que vous voulez. 01 850 90 600. Mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères. La plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages. Et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse. Mais parfois leurs yeux se glissent la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse. Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. L'on ne sait pas ce que la vie nous donne, qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes. à ton bois. Enfoirer l'amitié sur Radio Resto. Radio Resto, 48 heures non-stop. Oh là là, mais c'est incroyable. Écoutez, j'ai le compteur en face de moi. Je rappelle que Radio Resto, c'est surtout une émission. Ce sont des émissions destinées à soutenir l'action, les actions des Restos du Cœur. Et le compteur ne fait qu'augmenter grâce à vos dons. On est à 102 000. Là, on est passé à 102 000. C'est 102 génial. 097 euros collectés. Fantastique. Voilà. Bah, dites-nous d'ailleurs si vous avez fait un petit don en utilisant soit le site de Radio Resto, radio.restoducœur.org, soit votre application Radio Resto pour nous écouter. Elle est gratuite. Soit Radio Player également, qui est un partenaire qui héberge tous les podcasts de toutes les émissions qu'on peut réécouter ou découvrir, hein, parce qu'il va s'en passer des choses d'ici dimanche 20h. Franchement, dites-nous si vous avez fait un don et pourquoi. Vous êtes sensible au combat qu'on mène cette année, c'est-à-dire le soutien aux différentes actions pour la petite enfance. C'est la grande cause de cette année au Resto du Cœur. Voilà, expliquez-nous pourquoi. On est là pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous faire rire, pour vous informer. 01 850 90 600. Et on va accueillir Marion. On parle d'amour avec Karine Lemarchand, mais on peut parler d'autre chose. Oui, on peut parler d'autre chose. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marion, elle habite Paris, elle a 24 ans. Bonjour Marion. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Nous, bonjour, bien, quelle voix enjouée. Oui, il a l'air joyeux, mais d'après ce que je lis sur mon écran, il est joyeux, mais il a besoin de quelque chose. Il a besoin de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe, Marion? Raconte-nous ce qui se passe dans ta vie. Alors, ça fait à peu près un mois qu'on a rompu avec mon ex, et je l'aime encore. Ah. Et sauf qu'elle m'a bloqué de partout, et donc voilà, c'est un peu compliqué. J'adore ça, bloqué de partout. Bon, alors ça faisait combien de temps? Presque 3 ans. Et t'as habité avec elle ou pas? Non, on était en relation à distance, on se voyait les week-ends et pendant les vacances. Bon, ça c'est pas mal. Et est-ce 3 que ans, tu... hein. Oui, mais vous ne pouviez pas habiter ensemble, j'imagine. Alors, ça, j'ai eu un... Allô? Oui, on t'entend. Est-ce que vous aviez envisagé d'habiter ensemble un jour? Alors oui, mais pas maintenant. Mm-hmm. T'as quel âge, Mario? 24. J'ai 24 ans. Ah oui, mais c'est... Et elle? 27. D'accord. Et Ben, moi, j'ai envie de savoir pourquoi ça s'est arrêté. Oui, voilà. Est-ce que tu sais déjà? T'as compris quelque chose ou pas? Alors, il y a eu plein de soucis, déjà par rapport à ce que je faisais dans la vie, à ma situation professionnelle qui n'allait pas non plus, au fait qu'il y avait aussi la distance. J'ai une situation qui fait que je suis CDD. Ah. Et donc pour l'avenir, forcément, ça, pour elle, ça collait pas que je... Arrête, t'as 24... Non, elle t'a dit ça alors que t'as 24 ans? Oui, oui. Bon, c'est pas grave. CDD dans quoi? Tu fais quoi? Je suis standardiste. D'accord. Ouais, mais bon. Ok. Donc, bon. Donc voilà, et du coup, c'est ce qui est, je peux comprendre la peur, comme quoi, pour avoir des crédits, etc. Ça, elle pensait à ça, c'est... Et elle avait une situation correcte. Ouais. C'est ça, pour avoir une situation correcte. Non mais elle faisait quoi? Elle est neuropsychologue. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et elle est en CDI? Oui, CDI, oui. Bon, donc, est-ce que c'est une bonne raison pour quitter quelqu'un quand on est amoureux? Moi, j'ai envie de dire non. S'il y a eu un amour fort, un lien fort, et dans son sens à elle aussi, elle n'aurait pas trouvé cette excuse, ou cette raison, pardon, pour te laisser tomber. Excuse-moi, toi, t'es standardiste parce que t'as pas trouvé autre chose, parce que t'aimes ça, ou parce que j'aime ça, parce que je vais être tout à fait transparent, c'est dans un média que j'aime beaucoup et que je voulais aussi me développer. Ouais. D'accord. Et pour le coup, voilà. Donc, j'aime t'as ce, mis j'aime un pied dans bien, quelque chose que t'aimes et puis tu t'es dit je vais grandir là-dedans. Bah, tu serais pas le premier. Voilà. Non. Parce que franchement, on en connaît beaucoup qui ont commencé standardistes dans des radios, dans des télés. Patrick Sabatier, Vincent Perrault, Anthony. Oui, enfin beaucoup. Bon, beaucoup. Ouais, ouais. Bon, donc est-ce que ça vaut le donc coup? Donc en fait, tu te projettes. Attends. Là, il veut la récupérer. Toi, tu te projettes dans une vie un peu dans la télé, etc. Plus la radio que la télé, pour être tout à fait honnête. Mais mais oui, je me projette dans les médias. Mais ils n'étaient peut-être pas en phase, si tu veux, par rapport au projet de vie, tout simplement. Oui, je pense. Elle est neuropsy, CDI, le petit pavillon, la vie plan-plan. Marion, tu as envie tout de la programmé. Récupérer c'est, t'as envie, toi, de la récupérer, comme on dit? Alors, j'aimerais... Alors, j'essaye de l'oublier, mais c'est dur quand même, après quasiment 3 ans de relation, et pour moi, ouais. quand même, la bonne personne, après avoir été trompée nombreuses fois, etc., dans mon passé, où voilà, il y avait eu du manque de confiance. Et là, je me disais, enfin, c'est la bonne, quoi, et c'est la première relation vraiment longue, entre guillemets, même si 3 ans, c'est rien par rapport à une vie. C'est ton premier amour, quoi. Premier gros amour, enfin, sérieux. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu crois qu'on peut être heureux avec quelqu'un sur le long terme quand il accepte pas ce qu'on veut, nos aspirations, notre fantaisie et tout ça? Parce que renoncer à 24 ans par amour en trouvant un petit, t'aurais pu trouver un boulot CDI, hein, ça c'est pas un sujet. Hein. Je peux te dire qu'aujourd'hui quelqu'un de sérieux, on en cherche et. Non, puis si elle est vraiment amoureuse ça voulait dire renoncer à tes rêves. Est-ce que quand on aime quelqu'un, on lui fait renoncer à ses rêves et à ses espoirs? Je suis pas sûre. Hein. Non, mais après, l'amour rend aveugle, quoi. Oui, mais le mariage rend la vue. Excellent, et bravo. Et donc, à un moment donné, regretter quelqu'un qui ne t'acceptait pas tel que t'étais, est-ce que finalement, c'est une grosse perte? Ouais, c'est ça. Ça me fait réfléchir. Justement, j'essaie de l'oublier, mais c'est compliqué, quoi. Tu parles à deux saltimbanques, hein. Alors on est accompli dans nos carrières parce que on est beaucoup plus âgé que toi et que peut-être petit à petit, si tu veux, c'est devenu une évidence. Mais nous, chaque année, on renouvelle nos contrats. On n'a jamais été en CDI, en fait. Ben non, jamais dans ces métiers-là. Et tant mieux, c'est-à-dire que cette précarité, entre guillemets, évidemment, parce qu'on est quand même installé dans nos carrières, mais cette précarité quand même administrative, c'est quelque chose qui nous convient parce qu'on se sent libre. Alors oui, on peut être jeté d'un jour à l'autre, mais on peut aussi partir d'un jour à l'autre. Oui. Et quand on accepte ça... on accepte beaucoup plus facilement ce métier. Et je pense que tu fais un choix, en tout cas tes rêves, c'est pas des rêves de plan-plan, pavillon, deux enfants, l'espace. Qui convient à certaines tu personnes. Tu vois, qui conviennent, mais bien sûr. Mais c'est pas son choix à lui. Non. Et donc, à un moment donné, peut-être qu'il faut que tu trouves une nana un peu comme toi, tu vois, un peu plus aventurière. Et dans cet univers-là. Oui, c'est sûr. Voilà. Et dans ce cas-là, je passe un petit appel. Dans ce cas, voilà. Bon, vous travaillez dans un univers. Pas forcément dans les médias, mais non. En tout cas, vous sentez saltimbanque. Écoute, c'est surtout ça. Je pense que si on est amoureux de quelqu'un, on accepte également d'être avec un saltimbanque. Il y a pas de problème. Et moi, je suis un peu saltimbanque quand même. Oui. Mais ça ne me dérange pas du tout d'avoir un mec plan-plan. Mais je lui demanderai pas de s'en canailler pour me faire plaisir et j'arrêterai pas d'être ce que je suis pour lui faire plaisir. Oui. Ok. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez envie... Donc, sans regret. Ouais. Si vous avez envie de dialoguer avec Marion, on peut vous confier son numéro de téléphone. non. On peut lui confier votre numéro de téléphone, Marion. Donc, 24 ans. Il est à Paris. Il travaille, il est passionné par les médias. Ouais. Ça lui plaît. Et il a envie de réussir. Et il a envie de réussir aussi sa vie amoureuse. Et c'est trop bien. Voilà. Essayez. Et t'as la vie devant toi. Trace. Ouais, t'inquiète. Vas-y, va tout droit. Mais oui, 24 ans. 01-850... On t'embrasse, Mario. Salut, Marion. Merci beaucoup. Au revoir. 01 850 90 600, vous nous appelez bien sûr pour Marion, mais aussi si vous avez envie vous aussi de parler d'amour, si vous aussi vous avez envie de passer une annonce, pourquoi pas, parce que ça vous manque pas de récupérer votre ex, hein, mais de découvrir une nouvelle personne, on sait jamais. Radio Resto, on est ensemble jusqu'à minuit aussi d'ailleurs. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, voilà, c'est ça. Non, mais on l'adore. Francis Cabrel sur Radio Resto, 01 850 90 600, c'est vrai. Mais l'amour, de l'amour et encore de l'amour, on en veut et on vous écoute juste après. Mon enfant nu sur les galets, le vin d'un tes cheveux défaits. Comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. C'est beau ça, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Tu te rends compte voilà. Si on te disait ça? Bah moi je te le dis. Ah oui d'accord, bon bah je t'aimais, je t'aime et bah, je t'aimerai. Ouais. Bah, nous deux c'est mais à la oui, vie bah, à la mort. Mais oui, à la vie à la mort, exactement. Ouais, c'était Francis Cabrel de la mort. Sur Radio Resto. Ouais c'est vrai. Radio Resto. Radio Resto. Nous convient très bien. et vous? Alors on a Cathy qui nous appelle au 01 850 90 600. Bonjour Cathy. Bonjour. Je n'ai pas d'infos sur Cathy. Qu'est-ce qui ah, se passe, ça y est, Cathy? Je l'ai reconnue. Comment ça? Bah, c'est une autre agricultrice, c'est Cathy. J'ai entendu le bonjour, je t'ai reconnue. Mais comment tu fais? Mais alors, je les connais par cœur, mais Cathy, c'est mon amie. C'est... Elle fait du vin près de Bordeaux. Ah oh bah oui, c'est clair. Cathy, elle fait du vin près de Bordeaux, c'est vrai? Oui, oui, oui, c'est ça. Bah, donc vous vous êtes rencontrés grâce à L'Amour est dans le bah, Pré? Bien sûr. Oh, bah, c'est dingue. Ah, parce tu la connais pas, Cathy? Tu n'as pas présenté Cathy, tu ne connais pas Laurent. Est-ce qu'elle est venue en vacances avec nous? Non. Est-ce qu'elle est venue à tes remises de médailles? Non. On s'est jamais vu Cathy à un truc? Non. Ah non, mais non, parce que pour ceux qui nous écoutent là, si je dis ça, c'est que bon, Karine Lemarchand, je la connais, et quand vous partez parfois en week-end ou en vacances avec elle, bah d'un seul coup arrive quelqu'un, bah tiens, c'est oh bah je l'ai vu dans L'Amour et dans le Pré celui-là, je l'ai vu dans L'Amour et dans le Pré celle-là, c'est-à-dire qu'elle garde un lien avec un nombre incalculable d'agriculteurs et d'agricultrices qui, quand ils viennent à Paris, eh ben ils dorment chez Karine Lemarchand. Bah, il en fait partie. Et donc quand vous partez en vacances avec elle, de temps en temps, voilà, vous voyez arriver un agriculteur ou une agricultrice. C'est pas dégradable. Elle est top, Cathy. Non, je connais pas Cathy de Bordeaux. Et alors, rappelle-moi, Cathy, mais elle si a. Si, je vais te la montrer, tu vas me dire, mais oui, bien sûr. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, c'était quelle saison, Cathy? C'était il y a combien de temps? Il y a 15 ans? Non, saison 15. Ah, saison 15, bon, je suis sûr. C'est la saison quoi cette année? La 19e. L'année prochaine, c'est la 20e. La montrer. Et est-ce que, grâce à Karine et L'Amour est dans le Pré, tu as trouvé quelqu'un? Non. Ah merde. Non. Les prétendants, ça marchait pas? Non, ça n'allait pas non, du non, tout. Non. Ça n'allait pas du tout. Tu vois qui c'est, Cathy? Ah oui, ça y est, je vois qui c'est. Attends, j'ai montré une photo de toi. Ah mais bien sûr que je vois Cathy. Je me souviens très très bien. Ah, ouais, mais t'étais oui. Dit. Non mais Cathy, pas facile non plus, hein, de la suivre. Pas facile. Pas facile de la suivre. Ah ben bah, sacré. Ah, ouais, je me souviens même des prétendants. Il y en avait un qui était pas mal, mais qui était un peu trop mou du genou. Ah oui, qui faisait du pinard aussi. Tu te souviens? Oui, oui. Ah, mais rien à voir avec elle. Avec Laurent, avec. Oui, non, mais elle est avec tout le monde. Mais en plus, elle a bien repris les ADP Tours maintenant, tu vois. Ah oui, oui. Alors, les ADP Tours, mesdames, messieurs, qu'est-ce que c'est? Vas-y, raconte, Cathy. Vas-y, Cathy. Alors, les ADP Tours, c'est le marché. Alors, c'est un marché des producteurs, direct producteurs, donc de notre production, des agriculteurs de L'Amour et dans le Pré, qui ont fait L'Amour. Qui voilà, se fait les anciens. Ouais, qui se fait uniquement sur les exploitations des anciens agriculteurs de L'Amour et dans le Pré. Voilà. Ils reçoivent à domicile, ils font des fêtes, des ventes, des marchés. Ah oui, d'accord. Cathy, elle, sur son exploitation, et tout le monde, tous les anciens viennent pendant deux jours. Ouais. Et donc les gens vendent leurs produits. Oh, c'est génial. Ah, bah, c'est génial, ça fait le tour de France. Le prochain se fait chez Vincent Liberator à Saint-Rémy. Voilà, et ça se fait le 23 octobre. Et alors toi, tu amènes on fait la vente. Excellent. Le vin de Cathy, je peux le dire parce que moi je n'ai pas d'intérêt. Il est hyper bon. À Bordeaux en général, c'est une région où il y a du vin. C'est du Médoc, oui, c'est un Médoc. On se souvient, c'est un très bon Médoc, il est pas c'est cher du Médoc, en plus. Du château Saint-Christoli, Médoc, ouais. Ah ouais. Non, je me souviens très très bien de toi, Cathy. Tu es une femme très très très active. Allô. Ah ouais, active. On t'entend. Tu nous entends pas? Allô. Allô. Allô. Oui, Cathy. Moi, je t'entends. Non, t'entends. Allô. Ouais. Allô. Elle nous a lâché. On ne t'entend plus. Oui, si on t'entend. Ouais, on t'entend super bien, Cathy. Mais on ne parle plus rien. Ah bah la peau. Bon, on va la rappeler. Ah, on va la rappeler. Non, mais je me souviens très très bien de Cathy, une femme très très active, comme souvent chez les agriculteurs. Elles sont rarement du genou. On est bien d'accord. En plus, une exploitation viticole. Elle a repris après le suicide de son papa. Donc c'est très compliqué. Je ne sais pas si plus compliqué pour une femme que pour un homme, mais ce sont des métiers quand même très très compliqués. Et puis c'est pas simplement les vendanges, hein. C'est toute l'année qu'on travaille. Elle fait la vente, elle fait tout. Ouais. Et voilà, c'est une femme très active, très très dynamique et pas facile à suivre. C'est peut-être ça le problème. Mais dis-moi avant qu'on lui demande, Cathy, t'es là? Non. Est-ce qu'elle a retrouvé depuis l'amour? Elle a eu un crush pour un ancien d'amour dans le prime. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. C'est génial ça. Je monte la photo discrètement. Ah ouais, ah mais il est pas mal. C'était bien, mais c'est ça, c'est pas fait. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que parfois, ils se rencontrent ces anciens de L'Amour et dans le Pré. Justement, les ADP Tours servent aussi à ça, puisque justement, souvent, ils souffrent de solitude amoureuse, mais au final, tu t'aperçois qu'ils souffrent de solitude tout court. Bien sûr. Et que quand ils ont mis le pied dans L'Amour et dans le Pré, il y a une vague de solidarité, c'est une famille, vraiment. Ah. Et tout d'un coup, en fait, ils partent en week-end, il y a des gens qui débarquent chez eux pour passer la soirée, enfin, et c'est la fin de la solitude. Et Cathy, elle a le cœur sur la main. Et tu vois, elle m'a apporté une ancienne roue de son chariot que j'ai mis dans mon jardin. Et Valentin, un ancien agriculteur, il a planté des plantes. et j'ai ça dans mon jardin. Ah, c'est bien, et c'est un joli souvenir. Ils sont tous venus planter des vergers dans mon jardin pour apporter leur petite pierre. Il y a un vrai lien entre toi et ces agriculteurs. Bah, Cathy, je l'adore. On est à 103 077 euros collectés, mesdames, messieurs. Je rappelle que Radio Resto, c'est fait pour soutenir les actions des Restos du Cœur. Et cette année, la grande cause défendue par tous les bénévoles et par vous qui nous écoutez, puisque vos dons servent à ça, c'est la petite enfance. Super. Aider les mamans isolées qui viennent parfois solliciter et elles sont accueillies. Et ils sont accueillis, il y a des papas aussi, avec des petits-enfants en très bas âge. Et je rappelle qu'un don de 100 euros qui correspond à 25 euros après la réduction fiscale correspond à un bébé accompagné pendant 3 mois. Ouais. Accompagner un bébé, c'est lui offrir un kit bébé, tout ce qu'il faut, lait infantile, petit pot alimentation adapté bien sûr à ses enfants de 0 à 3 ans, et puis des couches, ça c'est vraiment le nécessaire. Cathy, t'es avec nous encore? Ouais, je crois qu'elle arrive. Cathy. Ouais, elle est là, Cathy. C'est bon. On t'avait perdu. On parlait de ça. Karine me disait que vous vous rencontrez entre Aix de l'Amour et dans le Pré. Alors, évidemment, ce qui est moins simple, c'est que vous venez de différentes régions. Et quand on est, comme toi, agricultrice, quand on est viticultrice, c'est très dur de se dire, tiens, je vais faire ma vie avec quelqu'un qui habite à, je sais pas moi, à Besançon ou à Saint-Étienne. Il faut que la personne vienne faire sa vie avec toi. Mais c'est ce qu'on discute avec beaucoup de l'Amour et dans le Pré, c'est que les hommes ont facilité à quitter tout pour aller rejoindre les femmes quittent plus facilement leur domicile que les hommes. Les femmes, pour tout quitter, c'est pratiquement impossible. Mais quand on est viticultrice comme toi, tu peux pas partir. Non, le problème c'est que je peux pas partir. Par contre, je fais des tournées dans toute la France puisque je livre tous mes clients de France. Et du coup, ça me permet de rencontrer énormément de monde et de dormir chez les agriculteurs de la Moudantec. C'est vrai. Hein. Donc, bon, ça c'est bien. Mais celui qui va partager ta vie là au quotidien... Il a raison, Lolo. C'est pas simple. Il va partager ma vie. Le problème, c'est que oui, il faut qu'il quitte tout, comme une femme quitterait tout pour aller vivre avec elle. T'es vraiment dans un endroit isolé? Non. Non, même pas. Non. Je suis à 1 heure de Bordeaux, je suis à 40 minutes de Royan... Je suis pas ultra isolée. Non. Mais est-ce que c'est bon? Je sais que c'est un métier extrêmement prenant. Hein, je regarde L'Amour est dans le Pré depuis que Karine fait L'Amour est dans le Pré. Donc, je sais que ce sont des métiers très très très très très très très prenants. C'est peut-être aussi ça la difficulté, c'est que vous avez rarement des espaces-temps pour voir l'autre, pour rencontrer l'autre, pour vous divertir. Ouais, moi la plus grosse difficulté c'est celle-là, et c'est pour ça que cette année j'arrête 10 hectares de vignes et que j'en ferai plus que 5 l'année prochaine pour essayer d'avoir du temps en plus pour moi et d'essayer de vivre tout simplement, parce que aujourd'hui je ne fais que travailler, le week-end compris, demain je vendange, enfin bon voilà. C'est demain là, ça commence demain les vendanges? Alors j'ai fait un premier état lundi, mais moi je suis placée, très mal placée, c'est que cette année j'ai pas peur de le dire parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre. Ah, ton voisin là. Ouais, j'ai les vignobles Bernard Magret qui sont à côté de abandonnés 40 hectares de vignes et qui m'ont pourri 12 hectares sur mes 15 hectares. Oh la vache. Et du coup je me retrouve avec 12 hectares avec zéro quoi dessus. Et comment ça se fait qu'on pourrit tes hectares? J'ai pas compris moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait ils ont les champs d'à côté des siens. Ouais. Et si tu veux, ils ont laissé à l'abandon leur vigne. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et du coup, il y a des maladies qui ont proliféré, alors qu'ils ont l'obligation normalement d'entretenir ou d'arracher. Ouais. Et ils l'ont pas fait. Et donc, des maladies ont proliféré sur le champ, mais ça saute, c'est à 50 centimètres. Oh la vache. Et donc, toute sa production est foutue par le mildiou. Voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, moi, j'ai fait quelques articles dans les journaux pour le dénoncer. C'est honteux. Et, hein. Tous leurs numéros de téléphone, leurs mails, ils ont tout changé parce que en fait je les ai dénoncés et du coup ils apprécient pas trop. T'as bien fait. Non mais là faut qu'ils te donnent de l'argent. Entier, Bernard Magret, qui surtout qu'il a de l'argent lui, il aurait pu arracher de suite. Ouais. Mais voilà, faut arracher. Je fasse venir l'huissier pour arracher ses vignes. Sacrée personnalité, Cathy. Hein. T'as vu ça? Ouais, bah bravo, ouais, parce que c'est une battante, mais il faut, on sait jamais. Tiens, ce soir, on peut passer un appel, même s'il est 23h39. Si vous êtes dans la région de Bordeaux, de Royan, voilà, vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un qui est bosseur, sympathique, souriante, qui en veut, qui se défend, qui est une battante, qui est dans un univers professionnel très difficile, mais fascinant quand même, parce qu'elle nous apporte, elle nous apporte du bonheur. Hein, le résultat de tout ça, c'est du bonheur. Ah, c'est pour les papilles gustatives, c'est quand même très important. Se met avec modération. Oui, c'est un produit de partage, tu as raison. Bon, donc, au niveau de, du sentiment, c'est pas encore pas ça, ça, Cathy. Hein. Non, non, c'est pas encore ça. Bon, ça va venir. Hein, mais oui. On peut se présenter deux fois, l'amour est dans le pré. On peut peut-être ça se présenter. Ça on l'a fait. Ça, hein. Ah bon ben, on l'a fait avec Coquin de sort. Ah ouais. Oui, Coquin de pas, sort. Ça marche pas. Ah, non, non, non. Non, ça marche pas parce qu'en en fait, on se focalise, je pense, sur les premières émissions qu'ils ont vues. Et puis après. C'est compliqué, on peut pas, nous on peut pas changer, je pense, notre personnalité, on l'a ancrée en nous. Moi je suis voilà, toujours le sourire, toujours c'est vrai que pour ça c'est une énorme qualité, mais après c'est vrai que j'ai mon caractère aussi quoi, si bah, t'as raison. Mais t'as raison. Faut pas changer. Ça viendra. On te le souhaite encore, vraiment. C'est trop bien que t'aies appelé ma Cathy. Ouais, ouais. Bon. Eh ben, bisous, gros bisous, Karine. On t'embrasse. Je t'aime fort, à très vite. Hein. À bientôt. Bisous, salut, Cathy. Bisous, bisous. Ah bah, c'est sympa comme tout. C'est drôle. Ah mais ouais. Comment ça se fait, c'est nous qui l'avons appelé? Bah non. C'est elle qui a appelé? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. En régie. Voilà, je sais pas. 103 377 euros collectés. C'est complètement fou. On n'a pas un objectif fixe, si ce n'est que moi, je le vois en face de moi, 150 000 euros. Mais je sais que d'ici dimanche, 20h, on aura dépassé les 150 000 euros pour aider les Restos du Cœur. Ça s'appelle Radio Resto. Dans un instant, il y a Robin qui veut poser une question à Karine. Ah. Comment garder la flamme après 13 ans de relation et un bébé? Ah, ça, c'est j'ai un sujet. Idées. Elle a des idées. Allez, un peu de musique. Et puis, si vous voulez réagir, bien sûr, 01 850 90 600. On est encore là pendant 20 minutes. Et Juliette Armanet, elle a la flamme. Ça tombe bien. Radio, Resto, on est ensemble jusqu'à minuit. Et ça continuera toute la nuit. Soyez, comment on dit, quand on dort mal. Somnambule. Non, pas somnambule. J'en aurais passé des jours à te faire des chansons d'amour, au piano toutes mes thèmes, au stylo tout mon game. Jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème pour te déclarer ma flamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane. Tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes draps. T'as rallumé la flamme, mais comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. C'était Juliette Armanet sur Radio Resto. Radio Resto, saison 5. Les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Ouais, on est là pour se mobiliser pour la petite enfance et pour les Restos du Cœur. Les dons, ils sont là, ils arrivent petit à petit. 103 377 euros collectés depuis le début. C'est complètement fou. Vous savez, ça va durer toute la nuit. Alors, si vous n'êtes pas somnambule, mais plutôt insomniaque, je vous préviens, on vous promet une nuit de radio complètement dingue. Tout à l'heure, après minuit, vous entendrez des histoires absolument hallucinantes racontées par Éric Lange, qui est le créateur créateur de Podcast Story, des histoires, l'histoire des hippies, des histoires de crimes extrêmement célèbres, des histoires de personnages insensés. Ça s'appelle Podcast Story. On peut le retrouver sur toutes les plateformes. Mais il a sélectionné pour nous 6 histoires les plus hallucinantes, des histoires vraies. Hein, c'est vrai. Avec une voix tombée par terre. Je vais regarder ça. Minuit, 2h du matin. Si tu te mets sur Spotify, ouais. tu regardes Podcast Story, tu vois, il a une voix dingue. Et vous allez entendre ça de minuit à 2h du matin. À 2h du matin, il y a une équipe qui va arriver. De 2h à 4h, ils ont un site internet, ils font de la radio, ça s'appelle Kitchenette. C'est que des chansons complètement kitschissimes, c'est drôlissime. Ils connaissent tout, des chansons les plus drôles de la variété française. Et ils ont décidé de nous accompagner de 2h à 4h du matin. Et donc ils vont passer de la musique. Oui, ils seront là en direct. Ouais, ça va être complètement dingue, voilà. Donc soyez insomniaques, suivez-nous pendant 48 heures non-stop sans dormir. Non, les podcasts sont à dispo et notamment sur Radio Player. Bon, il y a ce numéro de téléphone que vous pouvez utiliser jusqu'à dimanche 20h, 01 850 90 600. Et Robin est avec nous. Ah. Ouais. Robin, Robin, il va participer à Radio Resto. Hein. C'est ça, Robin? Ouais, bonsoir Laurent. C'est lequel de Robin? C'est lequel? Je sais plus moi d'où vous êtes. Alors, c'est Robin d'It West. Moi, je serai dans la matinale des régions dimanche de 7h à 9h. Oui, parce que dimanche matin, j'ai réuni des animateurs de différentes radios régionales qui sont leaders dans leur région. Ils vont venir ici ou chacun décroche? Non, ils viennent tous. Il y a un Marseillais, Radio Star. Ah, c'est sympa. Aide-moi, il y a Laurent Artufel de Radio Star. Il y a Vincent de Lyon. Vincent de Scoop, Scoop la radio de Lyon. Ah. Lily de Contact FM. Contact FM, c'est où déjà? C'est dans le nord. C'est dans le nord, c'est vers Lille. Ouais, et il y a Nico à Saint-Etienne. Nico de France Bleu Saint-Etienne. Sur le même plateau. Eh ben, ils viennent tous, ils se rencontrent pour la première fois parfois. Ça, et ils font sympa. Une matinale et ils ont préparé tout ça. Dimanche matin pour se réveiller. Non, ils sont géniaux. Bon, alors Robin, c'est bien joli tout ça. Mais tu avais une question importante et Karine va t'aider parce que c'est une question importante. Karine, comment on fait? Robin, il regarde Radio Resto parce que Robin, il a une petite fille qui s'appelle Roxane, qui a 6 mois. Ouais. Et je suis en couple depuis 13 ans avec ma chérie. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez dingue. Karine, je vais avoir besoin de tes conseils, forcément. J'ai envie de parler d'amour avec toi, Karine. Comment ça se passe quand ça fait 13 ans qu'on est en couple et qu'on a vécu à deux pendant 13 ans, qu'on a un petit bébé qui vient se mettre dans l'équation de 2 à 3? Et comment on fait pour garder cette flamme entretenue? Alors, pour le moment, on y arrive, mais comment être sûr que ça puisse continuer comme ça et qu'on puisse continuer de s'aimer, je parle sous tous les rapports de s'aimer, évidemment. T'as 12 minutes, Karine. Alors déjà, il faut se garder des moments à deux. Le bébé, c'est très bien, mais il faut accepter de le confier. Et il faut accepter de dire à la belle-mère ou je ne sais quoi, s'il n'y a pas, tu sais quoi, ce week-end-là, on n'a pas la gamine. D'abord, ça va... Ouais. C'est important pour vous, mais c'est important pour l'enfant aussi de voir qu'il n'y a pas que ses deux parents et qu'elle peut aussi avoir un grand-père, une grand-mère qui font des choses différentes. Ensuite, voilà. Ensuite, il faut ne pas hésiter à lister, et ça, il faut le faire, à mon avis, très régulièrement, lister les qualités qu'on trouve chez l'autre pour laquelle on a eu envie de rester avec pendant toutes ces années et envie de faire un enfant. Vraiment se poser. Et puis se les dire, se dire en face, j'aime ta façon d'être, parce que j'aime être avec toi, parce que t'es généreuse, tu m'élèves, parce que ton rapport à l'autre me fait grandir, parce que toutes ces choses-là qu'on ne se dit jamais, comme si c'était une évidence, c'est hyper important de se le redire et de le lire, tu vois, de l'écrire. Parce qu'au final, quand on reste avec quelqu'un, il nous influence et forcément, il nous fait du bien aussi parce que quand on est seul, on est un peu la caricature de soi-même. On n'est jamais contrarié, on va toujours dans ce qu'on a envie de faire soi, on est un peu plus égoïste, etc. Mais quand on est à deux, quand ça dure, c'est quand même qu'on a développé une capacité à faire entrer l'autre dans nos choix, dans nos vies, etc. Et ça veut dire qu'il nous fait du bien. Ça veut dire que sans l'autre, on serait pas devenu ce qu'on est devenu. Donc il faut l'écrire et puis il faut se le dire. Et puis ensuite, il existe maintenant, parce que la routine dans le couple et la recherche de l'amour qui dure, c'est une problématique universelle maintenant qu'on vit assez longtemps. Il y a pas mal de petites astuces qui existent. Alors moi, je viens de produire là, un documentaire qui s'appelle « Les Français, l'amour et le sexe, comment tout a changé », qui passera avant la fin de l'année sur M6. Donc, ça fait 3 ans qu'on étudie un peu tous ces phénomènes-là avec ma réalisatrice. Et il y a une petite application qui est vachement bien, qui s'appelle Melba. C'est génial. Alors voilà, ça s'appelle Melba. Tu la télécharges, c'est une voix de femme. Et elle te propose des scénarios. C'est sexuel, hein? Mais des scénarios, parce qu'en fait, on est toujours dans notre zone de confort. Quand on sait comment fonctionne l'autre, on va toujours droit là où ça va fonctionner, on est d'accord. Donc on fait toujours les mêmes positions, toujours les mêmes trucs, etc. Et ça devient un peu chiant. Et donc là, tout d'un coup, tu as une voix, tu choisis ton truc. Bah, je vais te dire, je me connecte dessus, tu vas voir. C'est incroyable. Et c'est hyper drôle. Ah, je l'ai, c'est génial. Tu l'as. C'est le Waze du rapport sexuel. Hein. C'est tourné à gauche. Oui, te dit. Oui, mais justement, elle te dit embrasse là sur l'épaule droite, alors que tu fais pas forcément ça. Et puis les scénarios, c'est vachement bien. Oui, mais alors tu branches ton application. Tu branches ton application. Quand tu es avec l'autre. Et voilà. tu suis ce qu'on te conseille. Elle te parle, elle te dit ce que tu veux. Génial. Tu dis ce que t'aimes, ce que t'aimes pas avant, tu vois. Ce que l'autre aime aussi, machin. Mais t'as par exemple t'as une expérience qui s'appelle celle qui ne savait pas qui c'était. Et donc t'as les yeux bandés et elle te raconte tous des trucs. Ou alors. C'est... Oh, mais moi je veux pas faire ça parce que pour le coup je sais qu'elle va imaginer son coach sportif des règles. Non mais il y en a une qui est pas mal, c'est Isabelle, celle qui avait été une vilaine fille. ça peut être pas mal par contre. Tu vois, ceux qui utilisaient leur langue. Donc t'en as plein des comme ça et c'est une voix suave, c'est évidemment sur la base du consentement mutuel, tu mets un safe word, donc chacun dit peut t'arrêter à tout moment en disant non là ça va trop loin ou ça j'ai pas envie, etc. Et en fait tu peux jouer et aujourd'hui il y a énormément de business qui se développe parce que les entreprises ont compris que la routine sexuelle c'était compliqué. Et est-ce que tu as, alors, puisque tu te poses la question, bon, tu me diras, ça fait 13 ans que vous êtes ensemble. Ah oui. C'est bien, hein, déjà. C'est bien. C'est très bien, 13 ans. Et est-ce que tu sens, toi, que de l'autre côté en face, il y a une routine qui s'installe et que tu commences à la subir? Non, c'est plutôt que, on est devenus des parents, donc forcément, il y a une responsabilité qui s'est installée. Et on est fatigué. Oui, ça, c'est sûr. On est fatigué, c'est ça. Donc, c'est quand on a l'énergie aussi. Ouais. Et puis voilà, par contre on sait qu'on s'aime toujours autant l'un et l'autre, donc ça c'est déjà le plus important. Il a quel âge il a l'enfant? Notre petite fille Roxane, elle a 6 mois. Donc, alors moi je te donne une autre astuce. C'est bien d'avoir attendu si longtemps avant de faire un enfant, donc vous avez profité de votre vie de jeune couple, ça c'est bien. Moi je te donne une autre astuce que personnellement d'ailleurs j'applique. Parce que pareil, avec les groupes WhatsApp et tout ça, on est toujours dans quelque chose d'assez trivial. Va chercher le pain, t'as oublié ci, machin. On va très très vite dans le truc. On n'est pas dans l'amour et tout ça. Et donc moi, ce que je conseille, c'est de se faire un autre groupe avec sa compagne ou son compagnon, un groupe déclaration. Déclaration d'amour. Hein. D'amour. Pas de reproche. Non. Et en fait, tu gardes ton groupe, tu gardes ton truc normal pour tous les trucs un peu à la con du quotidien. Mais tu as aussi ton groupe. Ton petit groupe. Que tu mets en caché, en archivé. T'es pas obligé de voir. Et dans lesquels tu mets que des choses d'amour. Ah, et oui, quand alors, tu t'engueules avec ton mec, ta femme. Et en fait, moi je l'appelais Love, par exemple. Et donc, tu vois, c'est quelque chose que quand il t'énerve pour un truc un peu débile. Ouais. Va te planquer un peu et tu reprends en fait ces déclarations là parce qu'en vrai dans le groupe on oublie les je t'aime, les machins, on est sur des choses très pragmatiques, alors on peut mettre effectivement des petites étoiles mais c'est pas pareil. Et donc moi je transfère sur ce groupe toutes les jolies choses que je peux dire, que je peux recevoir, et sincèrement Et tu lui ressors alors ? Non, mais je les relis, moi. Ah, c'est pour te faire plaisir à toi. Bah oui, et du coup, je me dis, tiens, tu vois, en fait, oui, il y a des choses bien et qui sont noyées sous un flot de banalité. De banalité. Il faudrait peut-être même avoir... Il ne faut juste pas te tromper et ne pas envoyer un « j'ai envie de toi » sur la conversation famille. Non, mais « j'ai envie de toi », tu ne le gardes pas. Ce n'est pas une déclaration d'amour, « j'ai envie de toi ». Oh, quand même. Non. Bah non, tu gardes pas, j'ai envie de toi. Non, c'est plus des mots d'amour. J'ai envie de toi pour te faire tac tac tac ou parce que machin, voilà. Bon, alors il faudrait peut-être se faire un petit groupe à deux, hein, bien sûr, un groupe WhatsApp pour les mots d'amour, pour les reproches également. Eh ben, il y en a qui le font. Eh ouais, pourquoi pas. Il y en a qui le font, un truc pour dire des trucs sales. Mais ça c'est drôle en fait, parce que quand tu vas sur ce groupe, bon bah en fait tu rigoles tout de suite quoi, donc je sais pas si ça marche. Bon bah c'est pas mal comme conseil tout ça hein. Je pense que c'est pas mal. Voilà, je vais attendre le bon de. Est-ce que j'étais en train de penser à ça. Est-ce que au bout de 13 ans, j'imagine que vous avez partagé vos amis et qu'aujourd'hui vous avez des beaucoup d'amis communs. Mais est-ce qu'on doit aussi se garder des amis à soi sans que l'autre soit ami, hein, ça fait partie. C'est la base. Bah ouais. 1 plus 1 égale 3. Ouais, c'est la base. Ça, hein, c'est ça aussi. C'est pas 1 plus 1 égale 2. T'es arrivé à faire ça, Robin? Ouais, complètement. Ben, moi, je suis un grand fan du Hellfest, notamment, donc tous les ans. Du Hellfest, c'est un festival de hard rock. Ça, tu le fais sans elle. Tu le fais sans elle, ça. Ouais, carrément. Et puis elle a ses activités sans moi aussi, et c'est très bien comme ça. Et même depuis qu'on a Roxane, on n'a pas changé ça. On a gardé nos petites habitudes chacun de notre côté, et c'est très bien aussi. Hein. Bah, je crois que là, on a un couple qui va très bien. Très bien. On oui, a mais couple... déjà s'il se pose la question de savoir comment durer, c'est qu'il a déjà tout compris. Ah ouais. Non, bah, tout va bien. C'est quand même la classe, quoi. On est vendredi soir, c'est Radio Resto. J'ai eu les conseils de Karine. mais tu connaissais déjà bien ton affaire. Et en plus, on va te retrouver dans la matinale de dimanche matin. Bon courage, je vous écoute. Bah, bonne nuit à vous. Merci Robin, merci à tous qui nous ont appelés, et puis surtout tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui font grimper cette collecte de dons pour les Restos du Cœur. On en est à 103 477. Il est bientôt minuit. Merci Karine. Mais je t'en prie. Merci pour, tu sais, tu ferais une bonne animatrice du soir. Ça va. Tous les conseils que tu donnes. Le problème c'est que je dors tôt moi. Ouais, je sais. Tu devrais faire une émission du soir, mais dans la journée. Bon, alors, dans un instant, vous allez retrouver Lucas qui va vous emmener dans l'univers de Podcast Story avec la voix d'Éric Lange. Écoutez, franchement, ce sont des histoires absolument hallucinantes. C'est jusqu'à 2h du matin. Vous continuez à soutenir les Restos du Cœur en allant sur le site radio.restosducœur.org. Vous pouvez faire des dons également avec l'application Radio Resto qui est gratuite. Tous les podcasts sont hébergés par Radio Player. Et la musique continue et surtout les images continuent car nous sommes aussi diffusés sur YouTube. Bonne nuit à tous et moi je vous retrouve demain tout simplement. Tu vas dormir combien de temps toi? Là je vais dormir heures, un tout petit heures. Peu, ouais, 4-5 heures. Bonne nuit à tous mais continuez bonne à nous écouter. Bonne nuit à tous et merci pour votre générosité, votre écoute, au revoir. À tout à l'heure avec Lucas.